Et toutes les religions, tous les bords politiques, toutes les classes sociales, tous les âges, venez vous amuser avec nous, venez foutre le dawa dans toute la Belgique. On est là juste pour s'amuser jusqu'à 2h du matin, Open Space. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Allez, on repart sur de nouvelles bases avec dans quelques instants le son de Maître Gims qui sera là. On va se faire le zoom ouais. Zoom là pour la suite du son, c'est le nouveau Maître Gims. Zoom, zoom. Une zoom, dédicace zoom. À Coralie dans le son, écoutez bien. Et à tous les photographes. Zoom, zoom. Putain, j'ai pas compris. Il m'a fallu quand même 3 minutes pour comprendre cette vanne. C'est comme ça que tu veux un petit peu rehausser le niveau avec bah, écoute, comme ça. Écoute, là bon, pour l'instant on est sur le tarmac. On va s'apprêter à décoller, je te le dis, ça va arriver. Allez, on y croit. Moi, Céline, qu'est-ce qu'il y a, Coralie? J'ai toujours pas compris, moi. C'est pas grave. Zoom, zoom. Les photographes. Ah putain, laisse tomber, elle comprend. Mais Coralie, de toute façon, je vis ça perpétuellement. Je passe mon temps à lui faire des vannes. Bon, mes vannes volent pas bien haut, hein, ça vole même très très bas. Et elle comprend jamais aucune vanne que je lui fais, Coco. Bah ouais, non, mais à mon avis, je crois que la meilleure chose que t'aies fait, c'est de se séparer d'elle. Franchement, c'est Inch'Allah, t'as bien fait. Ta gueule, parce que je me suis remis en. C'était hier dans l'émission, en fait, parce que j'ai dit que je m'étais remis avec elle depuis ce week-end. Mais c'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est pas grave. Tu m'en veux pas? On en parlera après. Bonsoir, Céline. Hello, Céline. Bonsoir. Ça va bien, Céline? Bah oui. 25 ans, t'es à Bruxelles, Céline. Est-ce que tu peux te mettre dans un endroit où il n'y a pas de vent, Céline? Oui. S'il te plaît. Merci. C'est un peu compliqué en ce moment en Belgique, mais ça va. Oui, c'est vrai. T'es dehors là, Céline? Non. D'accord. Donc t'as ouvert la fenêtre en fait juste pour me faire chier. C'est ça, d'après ce que j'ai compris. Bon, ma petite Céline, bienvenue dans l'émission. T'as fait quoi de ta journée, toi, Céline? Ce matin, j'ai arrêté de fumer. Ah, t'as arrêté de fumer? Bah bravo, c'est ouais. Cool. Ah, c'est pour ça que t'as l'air tout déprimé ou quoi? Bah ça faisait 7 ans que je fumais et j'arrive pas à dormir à cause de ça. Ah ouais, et tu veux des conseils pour trouver le sommeil? Ouais. Bah écoute, fais comme moi, hein, j'ai une technique radicale pour m'endormir en moins de 120 secondes. Tu fais quoi? Je mets Guillaume Play. C'est radical. Je me dis en 120 secondes vous dormez les gars, c'est sûr. Mais toi c'est pour dormir, moi c'est pour chier donc. Non mais après Céline, est-ce que tu te fais aider? Est-ce que t'as des patchs, tu prends des chewing-gums à la nicotine? Céline, on entend le vent, c'est hyper relou, s'il te plaît, ma chérie. Oui. Voilà, ou je sais pas si tu respires fort ou quoi. Ah, c'est peut-être le fait qu'elle fume, c'est pour ça qu'elle respire fort. Ah, t'es en Dark Vador. Tu fumais combien de paquets par jour, Céline? Un paquet, c'est beaucoup quand même, un paquet ouais. Par jour. Hein. Bah ouais, quand même, c'est chaud. Un paquet, c'est un. J'avais un oncle qui était infirmier, alors je suis pas du tout sûr de la véracité de ses propos, ouais. Mais qui était venu me voir à un moment où je fumais, où j'ai commencé à fumer. Et qui est venu me voir, il m'avait dit: ouais, tu peux fumer 3 clopes par jour. Parce que en dessous de 3 clubs, jusqu'à 3 clubs par jour, ça n'aura pas d'impact sur ta santé. Ouais. Toi, disons. Bah, je sais pas si c'est vrai ou pas. Bon, après, le mieux, c'est de pas te fumer du tout. C'est ça. Mais Céline, c'est déjà une super bonne décision d'avoir décidé d'arrêter de fumer. Est-ce que tu te fais aider ou pas? Tu m'as pas répondu. Bah non, mais en fait, depuis, j'arrête pas de manger. Parce que pour. Bah, ça, ouais. Ouais, ça fait grossir. Ça, c'est normal, ouais. Et puis, je crois que la clope, ça te. C'est un brûleur de calories, je crois. Ça... J'en sais rien, mais. Mais tu perds du poids en fumant, enfin. Non, parce que ça donne moins si, je crois que tu perds jusqu'à 200 calories par jour. Si, je crois que ton système. 200 calories par jour. Dites-nous sur la SMS au 30-44. Mais c'est pour ça aussi que t'es obligé de faire du sport quand t'arrêtes de fumer. Ah ouais, bah oui. Voilà, parce que... pour du coup compenser le manque calorique. Je pars dans des discours de diététicien là, je suis perdu, je suis au bout du rouleau les amis. 30-44 si vous avez des questions et surtout des conseils à donner à Céline qui a arrêté de fumer là, comment elle peut faire pour tenir. T'as arrêté ce matin, Céline? Oui. Et t'es déjà mal? Oui. C'est normal, c'est les premiers jours les plus durs, après ça passe. Ouais, jusqu'à ce que ton corps soit sevré quoi. Mais après le problème c'est comme tu l'as dit que tu manges tout et tu risques de grossir, faut faire du sport. Oui. Tu t'inscris, Basic Fit, c'est pas très cher. Non. D'accord, Céline, qui a l'air au bout du rouleau. Eh, refume hein, si t'es comme ça, Céline. Hein, non, mais sans déconner. Mais c'est une vraie question, ça d'ailleurs. Tiens, dans l'équipe, vous ouais. Préférez quoi? Préférez que votre meuf, elle continue de fumer, mais qu'elle meure à 50 piges, ou alors qu'elle arrête de fumer et sortir avec une personne qui va se transformer du coup en Maggie de Bloc? Mais non, mais d'office, je préfère. Mais non, je veux pas qu'elle meure, mais qu'elle fume, je m'en fous. Bah ouais, c'est pareil, vas-y, fume. Comme je dis toujours, vaut mieux passer peu de temps, mais fort, que beaucoup de temps, mais gros. Voilà, c'est ma devise. Exact. Ouais. Et après, faut te faire aider, je pense. Si tu fumes surtout un paquet par jour, va te renseigner pour acheter des chewing-gums à la nicotine, des patchs, tout ça. Va voir ton médecin. Oui. On va te conseiller. Limite, quitte à prendre des somnifères pour dormir. Oui. Ok. Céline, je sais pas, tu m'appelles pour des conseils, t'as pas l'air. T'es toute stressée, Céline, ouais. C'est la première fois que tu passes à la radio, Céline? Oui. Ah, je te dépucelle radiophoniquement parlant, Céline. J'adore ça. J'adore ça. Et en plus, je suis tout doux, t'as vu. Est-ce que vous avez déjà arrêté de fumer dans l'équipe? Je suis au bout du roule-masse, sans déconner. Ouais, j'ai déjà arrêté, ouais. Et comment ça s'est passé, Jonathan? Mais en fait, disons que moi, quand je suis tout seul à la maison, je fume pas. Vous le savez, ici dans l'équipe, je ne fume qu'ici au boulot. On descend, on va fumer une clope tranquille. Voilà, c'est le stress, on est dans le dos. Mais sinon, le week-end, c'est rare que je fume. Quand je suis chez moi tout seul, je fume pas. Donc, je suis pas vraiment un gros fumeur. Oh, c'est ça, il fume pas, il me boit pas. Mais chaque week-end, il m'appelle, je suis bourré, machin, je suis en train de fumer une clope. Non, c'est véridique en plus. Ouais, non, mais disons que quand je suis bourré, là, c'est clair que je fume. Mais sinon, quand je suis tout seul chez moi, voilà, j'ai pas besoin de fumer. Donc, j'ai arrêté plusieurs fois. Mais après, à chaque fois, je reprends. Voilà, mais c'est pas une mauvaise habitude que j'ai en tout cas. Céline, après, moi, je pense qu'il faut. Oui. Il faut que tu préviennes tes proches que tu risques d'être un peu sur les nerfs et un peu irritable pendant les prochains jours. Oui. Parce que ça, c'est vrai, quand t'arrêtes de fumer, putain, moi j'ai arrêté de fumer il y a quelques temps. Ouais. Bon, avant de reprendre, hein, je vous rassure, mais j'ai arrêté. Je vous rassure. On devient super nerveux. Oui. Non, mais sans déconner, moi j'ai défoncé tous les murs de mon appart. Je pense que toutes celles et ceux qui ont arrêté de fumer, on comprenne ça et on est super nerveux. Ouais. D'ailleurs, puisque j'en parle, je m'excuse auprès de ma voisine qui m'écoute. Le chat, c'était moi. Allez. Je suis désolé, il y a prescription, on peut en parler maintenant. Après, voilà, ce qu'on disait, c'est que ça dure que quelques jours. Je crois qu'il faut une semaine, 3-4 jours pour être sevré totalement. Mais c'est ça, c'est un autre exemple, mais c'est comme les alcooliques qui arrêtent directement l'alcool. Quand c'est du jour au lendemain comme ça, c'est très compliqué. Mais après, la période de sevrage, ça dure une semaine. C'est une vraie drogue, hein. Ouais, c'est une drogue. Et après, c'est surtout l'habitude. En fait, moi, quand j'avais arrêté de fumer, ce qui manquait, c'était le geste. C'était pas avoir de la fumée dans ma bouche, c'était simplement le geste d'avoir quelque chose dans la main pour tirer dessus, en fait. On nous dit pourquoi elle achèterait pas une cigarette électronique. Ouais, c'est pas mal, Céline. C'est encore pire, ça, je crois. Non. Bah non, parce que du coup, c'est pas de la fumée, ça reste que de la vapeur d'eau. Alors après, il y a peut-être d'autres effets secondaires qui ont pas encore été détectés. Peut-être que dans 10 ans, on apprendra que ça file aussi un cancer, un autre cancer. Ouais. Mais a priori, c'est quand même mieux que la clope normale. Donc, Céline, tu t'y es mis. Oui, j'y penserai. Et ça t'aide pas? Non, ça t'aide pas trop. On nous dit il faut jamais arrêter en un coup, faut faire le step by step, car sinon ce sera trop tard après au 30-44. Ouais, c'est pas faux ça aussi. Arrêter de fumer fait grossir, c'est bien connu. On nous dit ma mère a arrêté de fumer quand j'étais plus jeune, elle a recommencé sauf qu'elle se cachait pour pas que je le sache et que je sois déçu d'elle. Oh, c'est mignon. Ah, c'est mignon, bah, c'est un peu triste quand même, ça fait un peu pitié. C'est les premiers moments les plus difficiles, après ça ira tout seul. Bon, voilà, Céline. Ouais. Bon. Rassure-toi, ça dure que quelques jours. Et après, tu déprimes. Bah, c'est vrai, hein. Après, tu déprimes. Après une semaine, c'est la déprime totale. Ah ouais, je savais pas ça. Et sinon, achète un livre, on nous dit. C'est vrai qu'il y a plein de livres pour arrêter de fumer. Ah ouais? Ouais, vous connaissez pas le livre? Il y en a un très connu. Genre, ça s'appelle La méthode facile pour arrêter de fumer. Ah non, je connais pas. Non, mais c'est pas une vanne, voilà. Après, faut lire un livre. Lire un livre, c'est chiant, on est d'accord. Oui, enfin, mais faudrait qu'il fasse des BD, tu vois, pour arrêter de fumer. Là, je m'y mettrais peut-être. Mais t'as pas totalement tort, parce que quand tu lis, ça t'occupe l'esprit, et quand t'as l'esprit occupé, t'as pas forcément envie de fumer. Ouais, non, mais ça t'occupe l'esprit pour lire comment arrêter de fumer, donc je pense que tu penses quand même à la cigarette. Attends, tu sais quoi? Achète un livre, mais celui de Nabila, c'est mieux. Non. Lui va te donner envie de te suicider directement, je crois, après. Et on nous dit au 3044, le gars qui a écrit ce livre, en plus, est mort d'un cancer du poumon. Il fumait 5 paquets par jour. Oh putain. 5. Ah ouais, ça calme. Ah, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. 5 paquets par jour. Putain, mais... Wow. Putain, mais en fait, le gars, il pète, il y a un nuage radioactif qui sort de son cul, sans déconner. Le mec, c'est l'enseigne Berkeley, lui tout seul. Non, on va pas se mentir. Bon, bah ma chérie, en tout cas, je te souhaite plein de courage. Et puis, le mieux, c'est que t'ailles voir un médecin, je pense, pour qu'il te file des. Ou même, je pense que c'est en vente libre en pharmacie, des chewing-gums à la nicorette, bien sûr. À la nicotine. Et va voir un médecin, il saura mieux te conseiller. Il pourra même te filer des petits somnifères, tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour les premiers jours. Ouais, faut pas que tu remplaces une drogue par une autre, hein. Fais attention, Céline, ok? Ouais, merci. Bon, je te fais un gros bisou, Céline. Bisous. Bisous. Et garde ta joie de vivre. Ne la perds jamais, Céline. À bientôt dans l'Open Space. 23h30, 02851 4x0 pour faire comme Céline. Voici le nouveau Maître Gims dans l'Open Space. Zoom, zoom. News inutiles à venir. Et puis on va sur plein de choses. Il y a JT des gens tout à l'heure. Il y a les défourons aussi. Puis vous tous et vous tout en direct. Et voilà, oui, voilà, non. Elle a jeté son cœur en fleuve. À part ses colliers, tu n'as plus rien à lui briser. Elle avance dans le noir, tout à coup le sol s'allume comme dans Billie Jean. Tout s'accélère, elle veut contrôler le monde, tu comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et rafler la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, passe du côté passager dans le Mercobenz. Panamera azul. Les compliments n'ont pas d'effet, mademoiselle a l'habitude qu'on lui parle en chiffres. Sentiment de notice, tu t'effrites peu à peu comme un morceau de chips. Donc elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Merco. Ouais, au poste, on est là sur Fun Radio jusqu'à 2h du matin. Merci de nous avoir choisi les amis. 23h34, bien en direct avec dans quelques instants la suite du Sundance Floor. On va se faire nos petits chouchous aussi, Big Flo Oli sur Fun. On l'a reçu plusieurs fois là dans l'émission. Mito à venir sur l'album de Big Flo Oli qui cartonne là, qui est disque d'or, l'album de Big Flo Oli, qui seront bientôt de retour en Belgique, ils font des festivals cet été. Ouais. Donc voilà, ils seront du côté de Namur, je crois. De toute façon, le programme complet retrouvé sur Fun Radio. Julien est là, 17 ans, BX. Salut Julien. Hello Ju. Bonsoir. Comment ça va gros? Ça va. Bienvenue dans l'Open Space, Julien. T'as fait quoi de ta journée? Oh, rien de spécial. D'accord. Ok. Ah, vous avez des vies passionnantes en tout cas, bah, Julien. Mais tu cherches du taf? Pardon? Tu cherches du travail, Julien, ou pas? Ah bah non, 17 ans. Non, pas actuellement. T'es en blocus et tu révises pas? Si, je suis en blocus, mais. Ça va, pour l'instant. Mais ça tu va. Révises pas. Ok, très bien. Bon, ok. Julien, frérot, on va se faire un top à l'info mec avec Jonathan, d'accord? Ouais. Alors, mon jus, je te rappelle que Jonathan a sélectionné des informations insolites sur internet. Il nous donne le début, à toi de trouver la fin. T'es opposé à quelqu'un de l'équipe. Tu choisis Coralie, tu choisis moi ou tu choisis Zezel? Coralie. Coco, ça faisait longtemps, tiens. Coralie, tu laisses commencer Coralie ou tu veux commencer Julien? Je vais commencer. Tu commences. Bon choix. Je pense que c'est un bon choix parce qu'en théorie, Jonathan met les infos les plus faciles en première. C'est ça, c'est tactiquement c'est pas mal. On y va, t'as pas l'info mec, c'est parti. Allez. Allez. T'as pas l'info mec. Allez. Voilà, simplement. Julien, oui. Avant d'être une star, il travaillait sur des chantiers. Mais de qui s'agit-il? Johnny Hallyday. Non. Bah, tu peux lui poser des questions, évidemment. Pose-moi il peut répondre par oui ou par non, et vous chez vous à la maison. C'est un chanteur. Oui, c'est un chanteur, oui. Enfin. Un français. Oui, c'est un français. Et il est dans le rock? Il est pas dans le rock. Dans le rap? Oui, dans le rap. Joule. Mais putain, pas mal. Eh, bonne réponse, bien joué. Non mais on n'était pas obligé hein. Non mais carrément. Non mais vous étiez pas obligé de passer le son de Jules. Non mais non. Ta gueule. Stop. Oh putain, il arrive comme ça sans prévenir celui-ci. Déjà que tu le vois pas venir, tu le vois jamais venir celui-ci. Déjà que quand j'écris son nom sur Word, il me disait non, ça n'existe pas, tu vois, donc j'étais dans la merde. Ah, je viens de voir qu'on l'écoute tout à l'heure en fait. On ne va pas l'écouter tout à l'heure. Donc ouais, c'est bien ça en fait. Jules, avant, il travaillait dans des chantiers d'hiver, notamment les piscines, etc. Il dit lui-même qu'il a trimé dur avec son père durant de nombreux mois. D'accord. Durant 6 mois en fait. Et après 6 mois, il a tout laissé tomber, il a fait de la musique. Il était maçon. Ouais, c'est ça. Il dit qu'il a porté le marteau, la brouette, etc. Mais putain. Et il a compilé toute cette merde en fait. Il aurait pu l'enterrer hein, sous les chantiers, franchement, il était pas obligé de nous sortir cette merde. Hein, non, mais c'est ça, il a compilé tous les bruits de marteau, etc. Il les a mis dans un album. Et il a, fait et il a vendu ça 15,99€. Ah non, c'est pas ça, c'est pas les bruits, c'est sa voix en fait. C'est juste ça qui est de la merde en fait. Ah, bah, je crois. Mais non, mais c'est pas naturel sa voix. Ah bah écoute. Ah bon, première nouvelle. Allez, Coralie, c'est pour toi. Une femme écope d'une amende de 1000€. Mais pour quelle raison? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dehors? Non. Chez elle? Oui. Ok, elle a mis le feu? Non. Elle a fait de l'amour trop bruyamment? Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a fait toute seule? Oui. Est-ce que c'était dans une chambre? Ça pourrait. Ça pourrait être n'importe où? N'importe où. Est-ce que ça a dérangé les voisins? Oui. Ok, elle faisait des travaux? Non. Est-ce que c'est un truc insolite, oui. Non, j'ai pas d'idée. Elle se baladait à poil? Non. Est-ce que c'est un truc, elle faisait ça elle-même ou alors elle faisait ça, c'était manuel? Non, elle faisait ça elle-même. Elle-même, donc elle faisait ça sur elle-même? Pas sur elle-même, elle juste faisait ça elle-même. Ok. C'était sa personne, quoi. Je sais pas. T'as pas l'info? T'as pas l'info, meuf. Bah, c'est complètement con, mais c'est un truc de dingue. En fait, elle a écopé de 1000€ d'amende parce qu'elle chantait du Céline Dion et du Morane de 7h à 23h. Oh, sans déconner, je pensais même pas que ça pouvait être permis de donner des amendes pour ça, quoi. Et ton cœur! Si tu l'as, fallait que je fasse un petit peu de Céline Dion, un petit peu de Jules. Mais ça fait plaisir, tiens. Allez, ça Céline, fais-moi kiffer ma Céline. Oh merde. Ah. Espèce de con, t'as tout cassé. Je crois que les voisins se sont fait venger là, du coup. C'est voilà. Je t'offrirai un encart avec René, moi, tu vas comprendre. Ah non, je peux pas, il est mort. Ah, bah, c'est pour ça que je vais lui offrir un encart avec. T'es dégueulasse. On l'embrasse, il nous écoute souvent. Allez Julien, c'est à toi. T'as déjà un point, tu peux peut-être en faire un deuxième là sur la deuxième question pour toi. Une nouvelle invention permet de transformer l'eau en quelque chose. Mais de quoi s'agit-il? Tu peux répéter, s'il te plaît? Une nouvelle invention permet de transformer l'eau en quelque chose. Ouais, c'est elle permet de transformer l'eau en à l'état solide, non? On peut la manger, un truc dans le genre. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est la transformation un grand objet? Pense Belgique. Oui, pense Belgique. T'éloigne pas trop. Ah, c'est bon, pas forcément de transformation solide, liquide, reste dans le liquide. Transformation. Si on veut faire genre des bâtiments avec ça. Non. Et quel rapport avec la Belgique? Avec la Belgique? Ouais, la Belgique. Je suis pas du tout, par contre. T'as pas l'info, mec. Non, pas le chocolat. C'était de la bière. Ouais. C'était de la bière. En fait, la société SodaStream, je pense qu'on en a peut-être tous à la maison, en tout cas j'en ai un. C'est ce qui permet de te faire des sodas chez toi, genre du coca chez toi à la maison, c'est tout ça. C'est dégueulasse d'ailleurs. Enfin, moi je suis pas fan. Ça dépend, le coca c'est pourri. Oui, le coca c'est pourri, le pain est pas mal. Bah dites-nous si vous kiffez chez vous au 30-44. Et donc en fait, ils ont créé un nouveau goût qui s'appelle Blondie, et avec ça on peut faire de la bière, et donc du coup avec la machine à soda on peut faire de la bière. Avec l'alcool? Ouais. Ou de la bière sans alcool? Non, de la bière avec alcool, 4,5% d'alcool d'ailleurs. D'accord. Donc c'est pas mal. Ok, à consommer avec modération évidemment. Voilà, pour l'instant c'est sorti aux États-Unis, mais ça va sortir très prochainement en 2017, ça va sortir ici. Et donc le produit s'appellera Blondie, ça s'achètera partout en magasin. Et Gérard Depardieu, on a déjà commandé 250. Allez, Coralie, la dernière elle est pour toi. Allez Coralie. Vexé d'avoir un plus petit zizi que son ami, il se venge sur lui. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui coupe la tube. Eh ben non, réponse, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Putain, t'as l'info. Ouais. Hey, l'histoire est dingue quand même, parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'ils étaient en train de parler, ils étaient en train de boire des verres, et c'est deux amis d'enfance de 47 et 52 ans, et le plus jeune a avoué à son aîné qu'il avait trompé sa femme. Donc en fait, il a couché avec le mec de. Enfin, avec la femme du mec de 52 ans, et donc. Le mec il s'est dit bah tiens tu sais quoi, on va faire un concours de zizi, et celui qui a la plus petite bah voilà quoi, tu vois. Et au final c'était celui qui s'est fait tromper bah, qui a le plus petit zizi, et pour se venger, double vengeance, il lui a coupé la tub. Les voisins se sont plaints à cause du bruit, etc. Les secours sont arrivés et il risque 8 ans d'amende. Oh là là. 8 ans d'amende. Ouais ça va, je sais, mais bon j'étais énervé. Ah Mike, je t'ai dit voilà, recommence la club. Recommence la club, putain. Bon, recommence. Mon petit Julien, et bah écoute, c'est toi qui gagne, Julien. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas fait les totos, mais c'est toi qui gagne. C'est il cadeau a un pour point. Toi, Julien. Il a un point. 1-0, ouais, victoire. Merci.

nombreux. Il se passe quoi au niveau des téléphones? Sans déconner, vous, en fait, vous êtes tous à l'abri, et dès que vous passez à l'antenne, vous dites putain, faut que j'ouvre la fenêtre. Faut c'est que je pas chier, sans déconner. Non, mais c'est ça, on, ah, est dans, promets, ouais. On est dans une ère 2016 où tout le monde a un iPhone et le plus grand des téléphones, mais pourtant le réseau est toujours aussi pourri. Donc, Pascal, tu captes mal ou t'es dehors? Non, je suis chez moi. D'accord, parce qu'on entend, on entend vachement de vent, alors tu dois respirer fort, Pascal. Oui, déménage. Voilà, non, c'est notre standard aussi, pété le standard de fun. Enfin, il est très bien, pardon. Pascal. Boulette sur boulette aujourd'hui. Oui, putain. Pascal, on va faire un gros mytho ensemble. Je t'explique le principe. Chaque animateur est venu avec une anecdote. Tous sont des gros mythos. Une seule de ces anecdotes est vraie, à toi de démasquer. Qui dit vrai, à toi de démasquer, qui n'est pas le gros mytho ce soir. Est-ce que c'est compris? C'est compris. Alors, je désigne la personne qui va dire la vraie anecdote, ce sera toi. Attention, c'est parti. Vas-y, Jonathan, tu veux commencer? Bah attends, tu viens de me désigner pour que je dise la vraie anecdote. Bah ok, je vais quand même le dire. En fait, j'étais en boîte de nuit un jour, et c'était au Carré, à Willowbrook. Et là, j'ai rencontré une... Enfin, il y a une fille qui vient m'accoster, etc. Et on se parle et tout ça. Et en fait, elle me dit, ouais, mais tu sais qui je suis? Et moi, j'étais un peu bourré, quoi, tu vois. Donc, je fais pas forcément attention à la personne. Elle était un peu plus grande que moi et tout. Elle était vraiment pas mal. Et je fais, non, je vois pas du tout. Elle fait, mais arrête, fais pas genre, j'ai fait Secret Story. Et je fais, non, mais je vois pas. Et en fait, si, c'était Aurélie Vandal, qui est aujourd'hui chroniqueuse dans le Mad Mag, que ça passe. Bah, en gros, elle a fait Secret Story 6, et elle était avec. C'était pas avec Senna. Enfin, c'est elle. Non, c'est pas. Ah, c'est la blonde, là. Oui, c'était une blonde, mais c'était pas Amélie qui était avec Senna, mais je crois qu'ils étaient dans la même saison, tu vois. Et au final, on a continué à discuter, à boire un verre, etc. Et elle a voulu prendre mon numéro. Et là, j'ai vu la personne, et je me suis dit, non, mais attends, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle mesure deux têtes de plus que moi, c'est mort. Et au final, on a continué à passer une bonne soirée, mais vraiment très, très gentille personne. Ouais, c'est un mytho, je pense. Mais non! Tu m'as désigné pour dire la vraie. Tu m'aurais dit Senna à la place d'un. J'aurais dit ok, mais là, c'est un mytho. Bah, mais non, justement. Attends, t'as pas pécho à maintenant. Mais j'ai pas. J'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est bon. Je vois la personne en plus, j'ai tapé sur Google, elle est vraiment belle. Aurélie Vandal. Hein. Ouais, j'y crois pas. Elle a été mise. Pascal, écoute, fie-toi à ce que je te dis, moi je n'y crois pas. Tu penses que c'est un vrai mytho ou que c'est une vraie anecdote? Moi j'y crois pas non plus. Non, on est d'accord, frérot. T'as été voir toi aussi sa photo sur le net. Bah, ça a été mise Belgique, hein, écoute. Non, je parle de la tienne, ta photo. Ah merde. De l'émission. Mon Zezel, vas-y, raconte-moi ton anecdote. Alors, c'était il y a 3 semaines, un peu plus, j'ai trompé ma meuf, comme ça tout le monde le sait. Voilà. Et t'es fier. En fait, bah écoute, autant que les dossiers sachent, les dossiers sortent, hein. Et donc le truc en fait, c'est que j'étais tellement bourré à cette soirée-là que j'ai fini par lui gerber en plein visage au moment de mon éjaculation. Ah oh, putain, mais c'est... Oh. Vous me faites... Oh, c'est Baudelaire, cette émission, c'est poésie sur poésie. Mais je prie pour que ce soit faux quand même. Hein? Tu penses que c'est vrai ou que c'est faux, Pascal? Je ne sais pas, c'est évident. Ouais. C'est déjà plus crédible que l'histoire de Jonathan, on est d'accord. Non, mais pour moi, c'est super crédible. Coco. Alors, moi, je vais te raconter comment j'ai saboté la journée porte ouverte d'une école dans laquelle je n'étais même pas. Oh putain, ça c'est chiant. Déjà de base, c'est chiant. Mais ta gueule, j'ai complètement inondé l'école en ayant le passe-partout. On a bu dans l'école alors qu'on n'avait pas le droit d'être là. Passe-partout, il s'est déplacé de Fort Boyard? Oui, tout à fait, bien sûr. Non, on avait le petit passe-partout, la petite clé, quoi, normal. Et on a complètement inondé l'école pour. Et le lendemain, il y avait la journée porte ouverte. Mais tu t'es fait griller ou pas? Non. D'accord, et du coup ils ont dû annuler les journées portes ouvertes. Je n'en ai aucune idée, je n'étais pas dans cette école, sache-le, ce n'était pas mon école. D'accord, c'était une autre. Il était où l'établissement? Il est à Liège, c'est une école d'art, je sais même plus c'est quoi le nom. D'accord, bah si vous nous écoutez, je crois pas qu'il y ait encore prescription, donc vous pouvez encore porter plainte. On avait oublié un téléphone aussi d'ailleurs, c'est mieux, vous pouvez nous le rendre. Pascal, tu penses que c'est mytho ou que c'est vrai? J'y pense quand même. Ouais, donc pour l'instant t'hésites entre Coralie et Zezel. Il me reste mon anecdote. Moi en fait c'était il y a quelques années. J'habitais, tu vois, avec mon ex, voilà, je l'appelais comme elle est, je suis désolé Coralie, dans une petite maison vers Namur. Et j'avais des problèmes de fosse septique, tu vois. Et problème sur problème, voilà, c'est débouché, je vais pas vous faire un film. J'appelle l'agence pour un problème. Ouais. Deux employés se ramènent. Je les emmène dans le jardin, je leur montre un petit peu, tu sais, le couvercle, tout ça, où est-ce qu'ils peuvent trouver d'où vient le blocage. Voilà, ils l'ouvrent. Et quoi? Et je vois quoi à la surface? Une marée de capotes. Mais non. Et je ne mettais pas de capote avec ma meuf puisqu'on avait fait le test. Donc voilà, ma meuf faisait plaisir à droite, voilà, à gauche. Donc voilà. Donc toi, tu chies, je me rappelle des très bons souvenirs. Ah putain, grave. Pascal, tu penses que c'est vrai ou que c'est faux mon histoire? Faux. Ouais, c'est faux. Bah, évidemment, je m'élimine d'office. Mais évidemment que c'est faux, ta meuf elle trompait, mais elle mettait pas de capote non plus. Hein. Pascal, alors qui élimine quelqu'un dans l'équipe? On va y aller petit à petit. Élimine Jonathan et son histoire qu'il a pécho la meuf de Secret Story. Zezel qui a trompé sa meuf et qui a bégère sur la tête de son amante. Ouais. De sa maîtresse plutôt. Ou Coralie qui a inondé l'école, enfin son ancienne école. Une école à Lille. Moi je garde Coralie. Tu élimines Coralie? Non, non, je la garde. D'accord. Tu veux directement choisir Coralie? Tu veux pas éliminer un par un? Non. Bah choisis, tu me dis directement Coralie alors. Ouais. Ça m'arrange parce que le téléphone il part de pire en pire. Pascal, Coralie, un peu de suspense, sais-tu oui ou non? Le gros mytho de ce soir, disais-tu vrai? Je dis vrai. Donc c'est gagné, bravo. Oui. Bravo Pascal. Bravo. Bravo. Je t'ai injuste. Toi rien Pascal. Là je crois que... Pascal, tu passes sous un tunnel je crois. Pascal, fais attention, il y a Maggie de Bloc qui vient de s'asseoir sur toi. Bon Pascal, je t'embrasse frérot, je sais même pas si on va pouvoir lui dire au revoir Pascal. Bon bah il aura tué jusqu'au bout, voilà, c'est succession de bonnes nouvelles. Mais par contre, je veux juste revenir deux secondes sur mon anecdote. C'est pas vraiment que je l'ai pécho, en fait je l'ai attaché à un arbre et je l'ai violé en fait. Arrête, c'est ça. Ça fait déjà deux vannes sur le viol ce soir Jonathan, tu vas te calmer oui un peu? Bah ça révèle gros sur ma personnalité. Non, c'est mal, attendez, non, t'es mais fou, non, bien sûr, c'est faux. Excuse-moi, j'ai la tête d'un gars de 13 ans, c'est plutôt moi qu'on viole hein, dans la rue. 10 ans et demi. Bon, dans quelques instants sur Fun Radio, on va revenir avec le son d'Ariana Grande, Major Lazer. Et si vous n'étiez pas là hier en début d'émission, un petit peu de musique. Spider cochon, il peut marcher au plafond. Ah, et il peut faire une toile. Ah ben que non, c'est un cochon. À tout de suite. Mike Open Space revient tout de suite maintenant sur Fun Radio. Allez faire un tour sur le Facebook Mike Open Space. Restez branchés sur Fun Radio toute la journée et repartez avec l'objet le plus stylé du moment, votre hoverboard d'Urban Wheels. Toute la semaine, écoutez Evan et la tribu dès 6h et l'Happy Hour avec Audrey dès 17h. Et déplacez-vous sans effort et avec classe grâce à votre hoverboard d'Urban Wheels en envoyant fun par SMS au 6322. Un nouveau message. Wouhou, c'est trop fun! Les cadeaux tendances les plus ouf, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. You keep on taking me higher. Taking me higher. Taking me higher. l'émission qui va vous empêcher de dormir. Sur Fun Radio. Merci d'écouter Fun Radio, on est là jusqu'à 2h du matin, nous c'est l'Open Space, vous vous ramenez au 02 851 4x0. Dans 3 minutes, JT déjanté juste après, Alesso, Nico & Vin sur Fun. Special tonight, you're the one that I see waking up next to me, and I Bonne nuit, merci d'écouter Fun Radio, c'est l'Open Space. 02 851 4x0, Mike Open Space sur Fun Radio. Et ouais, on est ravis d'être là, on est ravis de passer une partie de nos nuits avec vous sur Fun Radio jusqu'à 2h, minuit passé de 3 minutes dans 5 minutes. Il y a Boosty qui arrive, c'est Feel Alone, c'est ce qu'on va s'écouter. .44 pour nous envoyer des messages. Et Coralie, tu restes connectée sur tous les réseaux sociaux de l'émission et notamment sur la page Facebook. Pensez sur Facebook hein, si vous n'avez pas encore liké la page pour voir nos dernières photos, nos derniers statuts. C'est Mike Open Space, la page Facebook, et Coralie, tu parles avec tout le monde. Oui, et on a un message d'Arnaud qui nous dit: salut les gars, je vous écoute tous les soirs, vous déchirez. Faites une dédicace à ma copine Amélie, on vous écoute depuis notre lit. Eh ben, on fait un gros bisou même à Amélie et à Arnaud. Ouais, bisous. Ouais. Et sinon, on a aussi un message de Sad qui nous envoie des messages d'ailleurs tous les soirs, qui est un auditeur méga fidèle. Qui nous dit, attends, je retrouve le message. Grand merci, je suis debout jusqu'à 2h, les meilleurs, meilleurs, meilleurs, c'est vous, espérant qu'à la rentrée prochaine, vous serez du dimanche au jeudi. Et tu oses lire ce message, Coralie. Bah. Merci beaucoup, ça, ça fait plaisir. Non, mais je dis ça parce que tu bosses déjà le dimanche à l'heure actuelle, n'est pas avec nous. Mais je peux pas lire son message et ne pas le lire ça. Oui, il déchire ça dans tout cas, et puis vous tous et vous toutes. Bah, allez parler avec Coralie sur le Facebook, vous pouvez nous appeler aussi, faites-moi exploser le standard au 02 851 4x0. Tiens, juste pour le kiff. Spider cochon. Il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Ah ben que non. C'est un cochon. Ah j'adore, c'était Laura qui est passée hier dans l'émission, qui nous a... Je sais pas si tu l'as prévu, elle chantait comme ça. C'est sympa. Bon, voici les titres à la une de l'actualité demain comme chaque soir. Voici l'heure du JT déjanté. Transformation en Mike Morello, fils caché de notre ami Carlo. Hello Gonathan, hello Coralie. Hello à tous. Erreur biblique. Et oui, le septième jour, Dieu ne s'est pas reposé. Il a créé Régine et ensuite il a compris qu'il fallait se reposer. Bé. C'était le proverbe bègle du jour. Pas besoin de lever la patte pour faire pipi. Oui, c'est la grande différence entre Maggie de Bloc et un caniche. Révélation choc. Le secret de Rocco Siffredi révélé. Il avait en fait Pinocchio dans le caleçon. Ça devait arriver. Oui, l'homme qui avait l'estomac dans les talons s'est marché sur les couilles. Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Mike Open Space, avec Jonathan, jusqu'à 2h sur Fun Radio. Minuit 5, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un refresh jingle. Alors là, tu vois, c'est comme Joule, je m'y attendais pas. Voilà, j'ai fait un petit refresh jingle pour les fidèles. Dans quelques instants, si pas bien, le jeu le plus dur du monde sur Fun Radio, vous voulez jouer avec nous, vous inscrivez au 6322, vous commencez le message par M-I-K-E, suivi de si pas bien, et peut-être que dans 3 minutes, montre connectée, qui sera pour vous si vous tenez 30 secondes au si pas bien. C'est pas gagné, on est invincible depuis maintenant 3 semaines. Voici ah ouais, Boosty. Feel Alone sur Fun Radio, on est en direct, et Minuit 6, merci de nous écouter. Libertad. Je ne serai plus jamais seul. Je ne serai plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. 'Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feel alone like je me balade dans la rue de ma ville. Je tape dans les canettes vite, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé, j'ai cru pouvoir tout gagner, mais

02 851 4x0. Mais soyez bon. Bonne soirée, merci d'être branché sur Fun Radio, minuit 12, on est en direct avec Jonathan qui est là, avec Coco qui décroche aussi le numéro, ma Coco, pour t'appeler. Le 02 851 4x0. 3044 pour balancer vos SMS. Il y a un truc que je voulais te dire, Mike, c'est que t'es vraiment de super bons conseils avec les auditeurs, mais quand il s'agit du personnel, t'es pas vraiment le meilleur. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai une vie sentimentale qui est catastrophique avec Coralie. Ouais. J'ai une vie... Voilà, j'ai plus de sous, on va pas se mentir. Donc c'est vrai que je vous donne des conseils, les gars, mais faut pas forcément les suivre. Mais surtout, on donne rarement des conseils. On met surtout les gens en relation et c'est surtout les auditeurs qui veulent des conseils d'autres auditeurs. C'est pas faux, ouais. Et on est là pour ça, les amis, vous pouvez nous appeler pour réagir aussi sur la page Facebook de l'émission. La page Facebook, c'est Mike Open Space. Il y a des euros qui arrivent, t'aimes bien ça, Jonathan? Ah, je kiffe. Hein. Ça s'appelle Bailal. Un mec était très fatigué, il a dit Bailar, j'ai Bailar. Et c'était le hook de DJ 22 putes là, je crois. Ah, c'était le fond musical de DJ 22 putes. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand t'es un petit peu trop technique là avec tes mots, le hook. Alors, on y va par le Cypalien là, le jeu le plus dur du monde. Allez, vas-y. Tiens, Serge 22 putes, justement. Ouais, j'arrive. Ouais. Ramenez-vous, fieux. Ah, ça fait plaisir d'être avec toi. Bon, comment ça tu va Chouk? Ben, ça va bien et toi? Oui, vous m'appelez Chouk maintenant. Chouk, ouais, c'est ça. C'est un petit mot bruxellois, je sais pas. Oui, non, mais je sais ce que ça veut dire. Voilà, c'est sarmique, c'est affectif, je t'aime bien. Bon, bah, très bien, je vous aime bien aussi, Serge. Mon Serge, rappelez-moi les règles du si pas bien. Le si pas bien, c'est pas compliqué, faut pas dire si pas bien, tenir 30 secondes, pas 2 secondes de blanc et surtout ne pas dire deux fois la même chose, hein, parce que sinon c'est rasta. Exactement, pour ceux qui ne connaissent pas Serge Vente de Pute, qui se demandent d'où vient-il, eh bien, il bosse au service Reclamation de Fun Radio. C'est ça, oui. Et on en a marre parce qu'à chaque fois il nous appelle en disant oui, vous avez pas envoyé tel cadeau, vous avez pas fait tel jeu à tel moment. C'est ça. Donc je lui ai dit, viens frérot. Je suis là. Et tu vas contrôler ce qu'on fait, comme ça t'auras pas à m'appeler toutes les 5 minutes. D'ailleurs, moi je trouve que le lancement du C'est pas bien n'est pas très bien, donc je vais le faire si tu me permets. Mais oui, bien sûr, vous allez le faire évidemment. Ouais. Et vous remplacez évidemment Mamie Simone depuis son décès. Ouf, sombre histoire, sombre affaire. Ah bah, sombre affaire, hein, Mamie Simone. Bon, je vais pas te mentir, j'ai pas été déçu. Arrêtez, qu'elle repose en paix. Ouais, on va dire ça. Allez, coup d'envoi du C'est pas bien. Let's go. C'est le si pas bien dans Mike Open Space, le jeu le plus dur du monde. 02 851 4x0, serez-vous à la hauteur? Et c'est la question à laquelle on va tenter de répondre dès maintenant, comme chaque soir sur Fun Radio. Si pas bien, le jeu commence à partir du moment où on vous dit bonjour au standard et il faut évidemment avoir une conversation avec nous logique. Salut Lynn. Lynn. Salut. Bonsoir Lynn, ça va? Oui. Oui, tu fais quoi ta soirée? Il n'y a pas de piège pour l'instant, Lynn, non? Rien. Deux fois, machin. Elle est hésitante quand même, hein. Lynn, il va falloir te saisir, t'es passé pas très loin des 2 secondes de blanc, ne bouge pas, tu vas avoir une deuxième chance et une troisième chance. Mais pour l'heure, c'est Marcelo qui est confronté à Serge Vente de Pute. Hello Marcelo, comment tu vas? Comment allez-vous? Mais ça va bien et toi, Kate? Très bien. Marcelo, t'es pas fort, hein. T'as dit bien et deux fois très en plus, Marcelo. Oh là là, il m'a fait un combo gagnant. Le combo. T'as commencé à dire jamais non. Ah ouais, Marcelo, putain, vas-y, réveille-toi, frérot. Bouge pas, Marcelo, t'appelles d'où, Marcelo? Vanderlu. Ouais, bah bouge pas, mon pote, je te reprends et je te laisse une deuxième chance dans 2 minutes. David est là, bonsoir, David. Bonsoir. Ça va, mec? Ça va et toi? Bah ouais, tranquillement, David. Tu as maté l'Euro de football, là? Ouais. T'aimes bien le foot? Ça va. T'es pour quelle équipe? La Belgique. Évidemment, et en club? Anderlecht. Ah, d'accord, Anderlecht. Et tu aimes bien le FC Barcelone? Ouais. Deux fois, ouais. Il a fait deux fois, t'es sûr? Bon, très bien, si Jonathan le dit. Combien de secondes, Jonathan? J'ai l'impression que c'est le meilleur depuis le début. Ah, il a fait 21 secondes. On est pas mal, David, c'est pas mal pour un premier score, ne bouge pas, frérot. Je rappelle qu'il s'est pas tombé depuis maintenant 3 semaines, hein, le si pas bien. Ouais, ouais. Lynn, Coralie, tu veux le faire? Ok. Bonsoir, Lynn. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, et toi? Ça va, merci. T'as fait quoi aujourd'hui? Rien de spécial. Spécial. Oh, vous faites tout le temps piéger sur ce mot spécial, il y a le son si, Lynn. Ouais, mais c'est automatique, hein, je crois. Ouais, c'est comme les antipotiques. Bisous, Lynn. Ah non, bouge pas, tu vas avoir une dernière chance. Tu vas avoir une dernière chance, hein. Raccroche pas, Lynn. Marcelo? Oui. Allô, Marcelo? Allô? Oui, t'es là, ah. On a perdu Marcelo, je crois. Allô, Marcelo? Marcelo? Je suis là. Ouais, deux fois, je suis là, Marcelo. On t'entendait très bien. Je suis là. 3 fois. Je sais, t'as dit 3 fois, je suis là, Marcelo. C'était un petit piège. Ah, c'était un piège, mon Marcelo, bouge pas. Je vais te laisser 10 minutes pour comprendre. Ouais, je crois. Serge, il y a David pour vous. Ah, salut le Dave. Comment tu vas, le Dave? Ça va et toi? Ouais, tranquille, fio. Tu viens d'où comme ça? Tu m'appelles d'où? De Liège. De Liège, t'aimes bien, hein? L'accent liégeois comme ça, avec les gaufres au sucre, c'est ça, hein? Ouais, c'est les crêpes. C'est quoi la spécialité que tu fais, toi, sinon? Tu cuisines? Moi, je travaille dans des frites. Dans des frites, et tu fais quoi? À part des frites. Des hamburgers. Des hamburgers? C'est ça que t'as dit, Je fais quoi, sinon? Sinon, voilà. Ah là là, combien de secondes? Ah, il est audacieux, mais il a quand même fait 20 secondes. Hein. Ok, c'est un peu moins bien que la première fois, David, t'avais fait 21, bouge pas. Dernier tour dans ce si pas bien pour tout le monde. Lynn, tu es toujours là. Oui. Bon, ma chérie, tu fais quoi dans la vie? Je suis aux études. Quelles études? Études de médecine. Médecine, dommage. Leçon 6. On va réviser parce que médecine, c'est compliqué. Hein. T'as des examens, Lynn, là? Oui. Oh. Bah non, c'est fini, t'as perdu de toute façon, Lynn, t'inquiète pas. Non, là, je fais juste la conversation histoire d'être sympa et de te pas te raccrocher à la gueule. Non, mais t'as des examens, Lynn? Bon courage. Oui. C'est quand les examens? Demain? Oui, merci. Oh putain, courage, ma chérie. Gros bisous, Lynn, à bientôt et tu retentes ta chance quand tu veux. Dans bisous. L'open space et dans le si pas bien. Marcelo pour Serge von de Pot. Salut, Marcelo, comment tu vas? Très bien. Très bien, bah, alors, au revoir Marcelo. Bah non, très bien, putain, je suis pas concentré, bordel. Reste focus. Ne sois pas frustré, Marcelo. C'est quand on est simple, ça. Tu feras mieux la prochaine fois, mon Marcelo, ok? Ok. Salut gros, à bientôt plus, dans l'émission. Salut Marcelo. David, pour Coralie, le dernier. Allô David? Allô? Comment tu vas? Ça va. T'as fait quoi aujourd'hui? Pas grand chose. Oh là là. Ah. Eh ouais, David, le son pas. Bon bah, bonne soirée, mon David. Hein. T'as été le dernier et tu es perdant également, comme les trois autres. À bientôt, mec. Bah, bonne soirée. À toi aussi, David. Personne ne nous a battus. Serge Vente de Pute, je vous remercie. Ah, avec plaisir, mon rendez-vous grand. Demain, 23h, pour une nouvelle session du Si Pas Bien. Et si vous voulez vous inscrire au Si Pas Bien et tenter de nous battre, eh bien, il vous faut envoyer un SMS dès maintenant au 6322. Vous commencez le message par MIKE. Ouais, suivi ça. De quoi, Serge? Alors, on envoie MIKE suivi de Si Pas Bien. Exactement. C'est ça. Allez, juste dire Si Pas Bien. Mais bon, ouais. C'est pas grave, je vous pardonne. Allez. Sergent de pute. Vous traînez là, dans le coin, on peut faire appel à vous si besoin. J'en ai piqué un petit peu. Ouais, non, dans le dehors de la radio, on n'a pas le droit dans les locaux. Allez, t'as raison. Monsieur Sergent de pute, je vous remercie. Dans quelques instants sur Fun, la suite des conneries à la radio. Ouais. On va faire plein de choses ce soir. Les défourrooms qui arrivent si quelqu'un vous a fait chier. Nouvelle vous pouvez nous appeler là au 02851 4x0. C'est quand la nouvelle star? Ça arrive là bientôt, dans 10 minutes. Très bien, nouvelle star de l'open space. Qui sera à notre place? Peut-être vous. Voici Deoro sur Fun. We'll be right back. il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Merci de nous avoir choisi, on est là jusqu'à 2h du matin. C'est l'Open Space, minuit 22, avec Coralie qui est là. Oui. Excusez-moi, je suis en train de manger un bout de pizza. Jérôme nous a payé de la pizza. Et j'avais pas vu que la fin du titre se terminait, donc je m'excuse, je présente mes excuses à tout le monde, ça ne te fait pas manger à la radio. Coralie, les réseaux sociaux de l'émission, tu es connectée dessus, le Facebook, c'est Mike Open Space. Oui, et oui, alors on va saluer toutes les personnes qui nous ont rejoints ce soir. Donc il y a Mickaël qui vient de nous rejoindre, il y a Raphaël, il y a Valentin, Arnaud, il y a Alex, il y a Constantin et Denis. Et ben on embrasse tout le monde, hein. Vous êtes bien connectés là sur la page Facebook de l'émission comme chaque soir. Vous pouvez aussi nous suivre sur le compte Twitter, c'est Mike Fun Radio, c'est mon compte Twitter, et puis je vous follow back. Comme ça on se suit mutuellement. Et les coulisses de l'émission, le Snapchat Coralie. C'est le Snapchat, c'est Mike Open Space. Exactement. Bon, aval. Tu te calmes. Non mais c'est parce qu'on va pas, se mentir. Avant, non, mais c'est suspect. Mais non mais avant, le gars qui se branche maintenant qui entend aval. Vas-y. Aval un peu. Mais non mais on dit tout, donc juste avant que tu bouffes une part de pizza, oui, c'est parce que je t'ai dosé un petit peu, donc voilà, fallait bien. Tu me suis pas là. Je te laisse seul dans ton délire, Jonathan. Mini 23. Je t'ai déjà dit qu'entre nous ce n'était pas possible. Ah. On va s'écouter le son des Daft Punk à venir. Bon, en même temps t'as plus un bal. C'est vrai que t'es vénal. Around the world. C'est dans 5 minutes, ça a été demandé par Karim tout à l'heure sur les SMS, par Léo aussi, par Timmy qui me demandait au 30-44 si y a un son que voulez-vous caler. Pas de problème à la famille, voici Lola qui est avec nous à Marchand Femaine. Bonsoir Lola. Allô Lola. Bonsoir. Ça va Lola? Bof et vous? Bah ouais, ça va super, mais pourquoi bof? Ah parce que ça fait pas longtemps que j'ai largué mon mec en fait. Ah merde, pourquoi vous êtes séparés? Parce qu'il était trop jaloux, possessif, ah, et tout, il m'a rendu malade. Un classique, très bien, d'accord. Et tu veux faire un défoulement en plus, Lola, c'est marqué sur ta fiche. Voilà, tout à fait. Alors vas-y, donc ça concerne ton mec. Ouais, ça concerne mon mec, en fait, je vous explique. Enfin, ton ex, ça fait 9 mois. Oui, mon ex, mais non, bien sûr. Alors raconte. Bah, ça faisait 9 mois que j'étais avec, et le mec était trop jaloux, j'ai jamais vu ça de ma vie, il était possessif, je pouvais rien faire. Mmh. Et depuis que c'est fini, sur Facebook, il met des trucs suicidaires, des messages, tu me manques, reviens, je suis désolée. Ah, il met plein de statuts sur Facebook, tout ça, pour attirer ton attention un peu. Ouais, mais je m'en fous, hein. Bah ouais, non, mais c'est généralement contre-productif, ce genre de stratagème. Bien, hein. Il est pas bien. Hein. Bah, il est pas bien, ouais. C'est vrai que quand t'es pas bien, ce que t'as sous la main, c'est Facebook, quoi, pour le faire savoir au monde entier. C'est vrai, des fois, t'as envie de crier ta peine au monde entier, mais je peux te comprendre. Enfin, faut le comprendre aussi, Lola. Mais après, est-ce qu'il balance des trucs un peu plus privés? Ouais, parce que moi, je vais pas citer la personne, mais j'ai un membre de cette équipe qui n'hésite pas à poster des screenshots quand il s'embrouille avec quelqu'un, pas forcément avec sa meuf, mais quand il s'embrouille avec quelqu'un, Zezel n'hésite pas à poster les screenshots pour montrer au monde entier ce que la personne lui a fait. Ah, je sais pas, j'ai jamais fait attention. Ah ouais, je vous jure que c'est vrai. Ouais. Il s'est embrouillé la dernière fois avec quelqu'un, il a mis le screenshot sur le Facebook et tout. Ouais, là ça va un peu loin. Est-ce qu'il fait ça ton mec Lola? Ton ex? Ouais, il a fait ça. Arrête, non, ça va loin. Ouais. J'ai fait pire. Ça fait quoi, Jonathan? Ah, j'ai fait pire. Un jour avec ma meuf, j'ai posté une photo. Non, je peux pas le dire. Allez, vas-y, dis-moi. Si. Alors, en fait, forcément, on était un peu de temps en temps séparés, on vivait pas ensemble, donc du coup, elle m'envoyait des photos d'elle cochonne. Et j'avais tellement la haine contre elle qu'elle m'oppresse, qu'elle m'obsède comme ça. Ah, parce qu'elle était aussi jalouse. Ouais, ben je l'ai postée sur Facebook. Arrête. Ah, je te jure. Mais elle pense super derrière, c'est super pas bien du tout. Voulu. Mais tu vois, sous des excès de je sais pas, voilà, je regrette. Mais non, putain, mais en plus, sale, tu voulais pas lui faire du mal. Mais pas du tout. Bah voilà, mais j'ai regretté. Hein, faites attention avec les réseaux sociaux parce que ça peut faire beaucoup de mal. Et puis derrière, les réputations créées par ces réseaux sociaux, ça va super vite. Hein. Et Lola, donc, il a posté donc des screenshots. Qu'est-ce qu'il a posté d'autre? Screenshot, comme quoi il voulait se tuer, c'est juste au bas d'un pont. Il a pris une photo de sa voiture et lui sur un pont. Oh merde. Mais inquiète-toi quand même. Marqué, hein. Pardon? Enfin, je sais pas. Tu penses qu'il peut vraiment passer à l'acte ou tu penses que c'est juste des menaces? Non. On s'est quitté moi 5-6 fois, il y a toujours pas la même chose. D'accord. Et là, c'est définitif cette fois-ci? Bah ouais, c'est définitif. 20 fois, il m'a dit ouais, c'est bon, je serai plus jaloux, tchit-tchak, et il recommence à chaque fois. C'est. Ouais. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est des appos à l'aide. Hein. Des quoi? Des appos. Un appel des appos. Ah oui. Quel connard celui-là. Oh là là, tristesse du gars. Mais Lola. Oui. Et tu as essayé de lui parler, de lui dire arrête, ça sert à rien. De toute façon, ça attire pas plus mon attention. Ça va... Enfin, toi, t'éprouves de la pitié en voyant ça. T'éprouves quoi? De l'énervement? De la colère, de la rage contre lui. Je sais pas, carrément. Ça me... Ah, ça ouais, va même pas un peu te dire. Tu te dis même pas putain le pauvre quoi. Non, je suis dégoûtée. Tout ce qu'il m'a fait subir, non. D'accord. Bah écoute, on connaît pas votre histoire, mais on n'est pas là pour juger. En tout cas, Coralie, ça t'est déjà arrivé tout ça, une rupture un peu compliquée? Non, généralement mes ruptures sont toujours bien passées. Je suis toujours bien passée, pardon, et je reste toujours amie avec mes ex, donc voilà. Ah bon? Ouais. J'ai du mal avec ce concept de rester amie avec ses ex. Bah, moi, je sais pas, je suis pas quelqu'un qui. Généralement, c'est moi qui cassais. Je faisais ça toujours de façon très gentille. Donc, Ah, et Coralie, elle est bienveillante, c'est vrai, elle veut pas faire de mal. Ouais, voilà, et donc c'est toujours de façon très gentille. Et je disais toujours, j'aime bien garder un contact avec les gens que j'apprécie, donc voilà. De façon très gentille, c'est-à-dire, je te quitte, mais avant, je te suce quand même. Mais non. Ça, c'est très gentil, quoi. Non, mais non, mais on, je parle beaucoup avant et j'amène pas le truc en disant, ah ouais, en fait, je te largue. Non, on discute des choses qui vont pas, et après, je dis, écoute, voilà, moi, je ressens plus la même chose qu'avant pour toi, ce serait bien que ça se termine, quoi. Et voilà. Oh, c'est dur. Ouais, c'est dur. Jonathan, t'as déjà vécu une rupture compliquée? Oui, compliquée, oui. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je me mets très, très, très, très, très rarement en couple. Et donc, forcément, je m'attache beaucoup aux gens une fois que c'est fait. Et je reste assez longtemps avec. Et donc, après, une fois que c'est fini, bah voilà, quoi. J'ai le cœur brisé. Et malgré les apparences, j'ai quand même un cœur. Tu le voyais pas? Mon petit cœur brisé. Je ne te l'ai pas assez montré depuis le début. Tu es en train de... Bonjour, c'est le plombier. Bonjour, le plombier. Je suis spécialiste pour réparer les cœurs brisés. Je sais réparer également les trous. Non, ça va trop loin. Ça va trop loin, ça, on se calme. Non, là, c'est trop. Lola, tiens, vite fait, avant de te laisser faire ton défouloir, ma chérie. Moi, je suis jamais... Parce que moi, j'ai jamais vécu une rupture compliquée. Parce que quand je romps avec quelqu'un, j'arrête juste de poker la personne sur Facebook. Et la personne comprend. Je suis un lâche et j'assume. Putain, et alors, c'est encore ça. Puisqu'on parle réseaux sociaux, les amis, faut que je vous parle du phénomène sur Twitter en ce moment. J'essaye de vous le caler depuis tout à l'heure. Ouais. C'est le jeu 4 mots. Est-ce que vous connaissez? Non. Ça cartonne. Bah, c'est le jeu, l'application. C'est sur Twitter, là. Sur Facebook aussi. Ah oui, c'est une application aussi que tu n'en. Ah, je sais pas. Je crois pas que ce soit encore sorti en application. Ça cartonne même tellement qu'il y a un mec qui a créé un site internet qui s'appelle 4mots.be ou 4mots.fr également. Et en fait, ça repose sur un principe très simple. Les gens postent les 4 mots qu'ils diraient avant de mourir. Ah oui, voilà, si demain tu meurs, quels sont les 4 mots? Quels seraient tes 4 derniers mots si demain tu vas rejoindre Michael Jackson et Michel Galabru? D'accord, bah dites-nous au 30-44. J'en ai quelques-uns, je vais vous en lire puisque je suis connecté sur le site avant de te laisser faire ton défouloir, Lola. Le parachute s'ouvre quand? J'aime bien. Moi, ouais, c'est pas mal, dans l'avion ça. 4 mots avant de mourir. Argue, saleté de cassoulet. Il y en a un qui est très drôle. Mais pas les dents. Jonathan, t'en as? Bah ouais, dans le même style, fais-moi une pipe. 4 mots. Ouais. Je peux caresser, on nous dit au 30-44. Ah, c'est pas mal. Il y en a un sur le site. C'est moi le père. Coralie. C'est dégueulasse. Ah non, moi je voulais dire fais-moi l'amour, mais en fait il y a pas 4 mots donc je suis un peu dégoûté. Fais-moi, non. Bah si. L'apostrophe, si. Ah bah si, ça passe. Oui, bah alors ça va. T'as fait l'amour pas avec des bons coups, alors c'est pour moi que je dois le prendre ou quoi? Parce que. Mais non, mais c'est 4 mois avant de mourir. Si jamais t'es en face de moi, je te dirai à toi fais-moi l'amour. Non, je pense qu'elle a pas compris le concept. C'est avant de crever. Bah oui, et bah avant de crever, je dirais à la personne qui est en face de moi fais-moi l'amour et c'est tout. Oh, elle est trop fleur bleue celle-ci. Ouais, un peu trop. Il y en a un qui est pas mal sur le site 4mots.be. 4 mois avant de mourir, si Spider-Man le fait, voilà. Le site est super drôle, ça s'appelle 4mots.be. Dites-moi au 30-44 les vôtres. Et puis Lola, tiens, t'en as 4 mois avant de mourir toi ou pas? Pardon? T'as un petit 4 mois avant de mourir? Franchement, non. T'es 4 derrière. D'accord, franchement. Franchement, non. Ça fait 3. Bon, c'est pas grave. Des full room, Lola, on y va contre ton ex qui passe son temps à zoner sur les réseaux sociaux. En plus, on avait parlé dans l'émission, c'est très mauvais les réseaux sociaux pour oublier quelqu'un. Et si jamais vous larguez votre mec, vous larguez votre meuf, ou même vous coupez les ponts, vous l'oubliez quelqu'un, vaut mieux supprimer, bloquer la personne. On en avait parlé dans les réseaux sociaux, Jonathan. C'est vrai, c'est vrai. Et tu appliques trop souvent ces conseils. Attention, 3, 2, 1, on y va. Lola, fais-moi rêver. Alors, je peux dire son nom ou pas? Ouais, fais-toi plaisir. Ok, bon, Jonathan, sache que je t'aime plus. Ah merde. De 2, t'es un connard. Ah mais non. Ah si, si, si. Mais il s'appelle Jonathan. J'ai perdu 9 mois de ma vie avec toi. J'ai renié mes amis, ma famille pour toi. J'ai tout fait pour qu'au final, tu me fasses ça. Non, je peux plus. T'es un gros con, un connard. Je peux rien savoir de toi. Va te tuer, vas-y. Comme ça, je serai tranquille. Non, arrête. On lui souhaite quand même du bonheur pour la suite. T'espères qu'il va retrouver quelqu'un d'autre? Non, il m'a fait trop. Bon, bah écoute, on connaît pas l'histoire en tout cas, Lola, mais on peut quand même pas lui souhaiter la mort de quelqu'un, de se suicider, non, de personne. Ok, sauf de Marine Le Pen et de Bardot River. Couilles, hein. Non, je plaisante. Ah ouais, bon. Gros bisous, Lola. Et ménage-le, bon, mais Lola, bloque-le, supprime-le, t'entendras plus parler de lui. Mais ouais, c'est ça. Je le sais, mais en fait, on m'envoie des screenshots à moi de tout ce qu'il met en fait. Hein. Non, mais alors, c'est tes potes, les connards, tu vois. C'est eux qui t'obligent à y penser, tu vois. Si toi, t'es tranquille dans ton coin, bah. Ah ouais, dis-leur, je veux plus entendre parler de lui, tu vois. Ok, Lola. Ouais, mais tu vas l'oublier. Lui, ça va. Je t'en viens au courant. Ouais, bah y'a pas de soucis, Lola, tu nous rappelles quand tu veux. Je te fais des gros bisous et je te repasse Coralie au standard, on t'envoie un petit cadeau, ok? D'accord. Ne raccroche pas, Lola. Tiens, y a d'autres SMS qui arrivent là au 3044. Vous me donnez vous aussi vos 4 mots que vous diriez avant de mourir. Si demain vous mourrez, quels seraient vos 4 derniers mots? Y'a Jérôme qui me dit le clignotant pour quoi faire? J'aime bien. Ah, c'est ta copine! Je traverse où je veux d'abord. Ok, ça fait 5 mots, c'est pas grave. Luna nous dit c'est grave, docteur? Moi, mes 4 mots ce serait regarde, sans les mains! J'aime beaucoup. Mais si, c'est solide pour Arnaud. Et on nous dit quoi? Attends. Mais si, ça passe. Ah, mais ça, c'est. Mais si, ça passe. Si, je te dis que ça passe. Ah oui, ok. C'est Maria Jane, il me semble, qui a dit ça à l'entrée de Nouvelle Star. Ok. Voilà. Attends, j'en ai deux derniers, je vais quand même les lire. Chérie, t'as pas grossi? Ah, ça, c'est vrai que tu prononces cette phrase. Ah ouais, c'est vrai. Tu prononces cette phrase, c'est sûr que ta meuf va t'en foutre une derrière et que ça peut être fatal. Il y a Je t'ai trompé aussi, qui est pas mal. Ça fait 4. Hein. Ah ouais, bah ça, c'est compliqué aussi. Écoute, c'est du Francis Lalanne. Alors là, c'est vrai que Francis Lalanne n'en est pas à son premier décès. Autant mourir. Mais il est 33 sur Fun Radio. Bah, si vous en avez d'autres, balancez-les au 3044. Salut les mecs, j'ai un pote qui s'est branlé un arrêt de bus. Et oh, c'est dégueulasse. Qui a craché sur une fille, il était bourré. Qu'en penses-tu? Il doit aller en prison. Enfin. Mais ça dépend, cracher comment? C'est compliqué. Ah non, mais il a craché. Enfin voilà, il s'est branlé. Ah bah ça va, il aurait pu lécher après. Hein. Ah, mais c'est dégueulasse, c'est illégal. C'est sale, bad, bouh. Bon, dans quelques instants sur Fun Radio, on va faire tourner la roue des jeux, c'est ça, Jonathan? Non, on va faire la Nouvelle Star. Oui, mais il y aura aussi la roue des jeux. Il y aura la roue des jeux, il y a plein de jeux ce soir. Il y a le coucou, c'est moi, il y a le blind test pour un précoce, il y a le chantophone. Qu'est-ce qu'il y a de me contredire celui-ci? Mais j'aime bien un peu te contredire, Mike. J'aime bien te voir énerver. 6322, vous commencez le message par M-I-K-E. Viens par là, je vais te fouetter, toi. Ah! Tu vas te calme! Non, les gens vont croire après. une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. On. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally, you're more like the way we rock it. So don't stop that. Et on est là sur Fun Radio, minuit 42, merci de nous avoir choisis les amis. C'est l'Open Space avec Jonathan qui est là, le talent de cette émission, avec Coralie, la belle gosse de cette émission également, qui répond le numéro coco. Le 02851 4x0. Et puis y a Zézel et Jérôme également qui forment la team standard et qui vous répondent et qui vous rappellent surtout si vous inscrivez pour jouer avec nous à des jeux pour faire tourner la route tout à l'heure. Au 6322, vous commencez le message par M-I-K-E. On dit quoi comme tu es devenu une star... Parlant bien de Mounir Bricha, à la présentatrice de BX1, à Marine Hubert, merci d'avance, take care. Ok, on n'est pas du tout des restas ici. Si tu savais, frérot, on fait nos courses de l'Est comme tout le monde est au Colruyt. Hein, ouais, bah, Opaki, t'es quand même une star. Hein? Opaki, t'es une star. C'est vrai qu'Opaki, quand j'arrive, il me fait, comme d'habitude, un grand camel. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un paquet qui nous écoute, putain, on l'embrasse, ouais, le White Knight. C'est pas un paquet, ouais, c'est le White Knight et le gars il est super sympa et à chaque fois il te dit alors, la radio ce soir. Ouais, je crois que j'ai une touche avec le gars, mais enfin bon, on l'expliquera après. Il y a TLF qui arrive dans quelques instants, le son c'est à fond, c'est ce qu'on va s'écouter dans l'open space. C'est demandé par Valentin sur l'SMS 3044 s'il y a un son que vous voulez vous écouter, y a pas de soucis, on change la prog pour vous à la dernière minute. Vous connaissez cette émission, c'est vous qui la faites les amis. Et avant d'écouter TLF, c'est Arnaud qu'on retrouve. 23 piges à tourner, salut Arnaud. Hello Arnaud. Hey, salut Mike, salut tout le monde. Bien ou quoi? Ça va, tranquille. Ouais, la journée, bien passée. Bon, en vacances donc ouais. Attention, Arnaud, t'as un peu de pression là j'imagine. Ouais, un peu, ouais. Ouais, parce que Arnaud, il va faire la nouvelle star de l'Open Space. Vous le savez, c'est le grand concours qu'on organise depuis, depuis l'apparition des sondages. On va pas se mentir. Ici, on n'est pas comme toutes les autres radios à vous dire qu'on a eu des super bons bulletins. C'est ça. Et on va peut-être être remplacé par toi, mon Arnaud. Ouais. Il y a plein de gens qui sont inscrits au 6322, Arnaud. Et c'est toi qui as été sélectionné. Tu as passé la phase des castings, Arnaud. Tu vas faire de la radio avec nous. Et mieux que de faire de la radio avec nous, tu vas faire l'émission, et ça va devenir Arnaud Open Space cette émission. Arnaud, tu as préparé quoi? Je t'ai demandé de préparer un truc, alors je t'ai dit vraiment carte blanche, tu prépares un jeu, tu prépares n'importe quoi, un billet d'humeur, je sais pas quoi, t'as fait quoi? Oh bon, on va la jouer un petit peu en free, on va faire un petit jeu et on va voir. Un petit jeu, avec nous ou avec un auditeur? Ouais. Avec nous. Allez, un petit trou des jeux. Ah ouais, un petit trou des jeux, carrément, d'accord, très bien. Et Arnaud, tu as déjà fait de la radio ou pas? Oh non, franchement pas du tout. Donc c'est une grande première pour toi. Ouais. Et donc tu serais disponible pour bosser sur Fun dès septembre. Et ouais. Tu acceptes les salaires. Et même déménager sur BX. Tu acceptes d'être payé moins de 300 euros, j'imagine. Bon, si y a la porte avec, on peut s'arranger. Hein. Oui, y a la cave de Fun qui est mise à ta disposition éventuellement. Alors, Arnaud, la nouvelle star. Alors attention, parce qu'il y a des gens qui sont passés avant toi. Arnaud, voilà. À chaque fois on donne des moyennes. Vous pouvez déjà, dès qu'Arnaud commence, hein, vous pouvez balancer vos notes sur 10, les notes au 30, 44, et on fera la moyenne à la fin. Et la meilleure note, eh bien, repartira avec une montre connectée. Alors il y a Issam qui est passé en premier. Alors il y a Issam qui est passé en premier, il a eu 5,5 sur 10. Ensuite, il y a eu Laurence qui a été un peu moins bien avec 4,1. Et le dernier en date, c'est Oli avec 6,4 sur 10. D'accord, très bien. Ah, ça me fait penser, faut faire passer NTEP, tiens, la nouvelle star de l'Open Space. Ah, notre ancien stagiaire NTEP. Avec NTEP, c'était un phénomène. Hein. Alors, Arnaud. Ouais. 2 minutes top chrono. Et après, je te ferai faire une intro, ce sera la deuxième manche, ok? Ok, d'accord. Vas-y. Salut, c'est Arnaud, j'espère que ça va bien chez vous. Et là, tout de suite, on va se faire un petit trou des jeux là avec Mike. Ouais. T'en dis quoi? Je suis chaud, Arnaud, explique-moi les règles. Ah, il faut que je fasse tourner la roue? Ouais. Ah d'accord, je fais tourner la roue et je dis stop. C'est ça. Alors, stop. Bon, par contre, faudra penser à changer la roue des jeux si tu nous remplaces, Arnaud. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est un peu années 40. Là. Il faudrait que t'engages quelqu'un qui fasse ça bien, parce que nous, l'ancienne personne, c'était de la merde. Allez, arrêtons. Arnaud, alors, je tombe sur quel jeu, dis-moi? Tu tombes sur un mon cul, allez. Ah non mais Arnaud, ça passe pas comme ça frérot. Ah, il fallait prévenir le mon cul là, on n'a pas préparé de numéro. Coralie, t'as dit mon cul, Coralie, elle a failli tomber dans les pommes. Je suis pas au courant. Tu sais, faut appeler des gens pour le mon cul. Faut trouver les numéros dans les pages blanches, tout ça. Et ouais, et c'est ça. Bah oui, mais tu nous as pas prévenu, Arnaud. J'avais prévenu que je faisais de l'impro. Bah oui, mais tu peux pas faire un impro sur un mon cul alors. Tu veux pas essayer de nous piéger aussi pas bien par exemple? En plus t'en as 1 minute 30, il te reste 1 minute 30. Ouais bon allez, on va faire un petit pas bien, ouais. Mais putain, c'est pas un piège, j'ai pas préparé ça. Bah tu nous pièges, en freestyle. Alors par contre je connais pas les règles, faut me les rappeler Arnaud. Ah putain, j'ai du mal aussi avec ça. Oh yo. Oh là là là là. Arnaud, t'as pas préparé, t'as pas bossé Arnaud. Tu t'attendais pas à une surprise, Arnaud. J'ai fait un truc vite fait, honnêtement, j'ai voulu changer au dernier moment. Mais ça, on connaît tous le dos, t'es en cours et tout, t'as des devoirs à faire pour chez toi. T'es chez toi, tu fais tes devoirs et tu dis putain, je vais le faire rapidement, ça me casse la tête, tout ça, je vais le faire rapidement. Et quand tu dois rendre le devoir à ton prof, tu dis merde, j'aurais quand même dû un peu bosser. Un petit peu quand même. Hein. Bon, Arnaud, tu veux profiter de tes 30 dernières secondes ou tu t'arrêtes là? Ouais, non, on va arrêter. C'est non, mais bien, tu sais quoi, carnage, là. Okay. Garde les dernières 30 secondes et essaye de nous convaincre que t'as une belle voix, que t'es de la radio. Ah, décidé d'arrêter. Pourquoi pas? Bah, j'ai pas une voix dégueulasse parce que voilà, ouais. Je passe bien. Et, ah non, t'as une voix. La voix passe. Bah, je bande. Je plaisante. Oui. Bon, allez, on arrête, frérot. Il te reste la deuxième manche pour te rattraper. Balancez vos notes pour Arnaud déjà au 30-44, qui veut être la nouvelle star de l'Open Space. Mon petit Arnaud, tu vas caler une intro musicale. Ça, on te l'a expliqué au standard. Hein. Non. On te l'a pas expliqué au standard. Non. Alors, bah, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Je crois que la team standard est larguée ce soir. Depuis que Zezel est parti en club libertin hier, il nous a raconté ça tout à l'heure. C'est n'importe quoi. Bon, alors, c'est pas grave, Arnaud. Intro musicale, bah, c'est comme quand t'écoutes Fun Radio l'après-midi, quand Bibou le fait, là, quand Fab du 13-17 le fait. Ah, bah voilà, c'est ça que j'ai préparé. Attends, Zezel ! Ouais ? Il est pas au courant qu'il faut faire une intro, hein ? Si, il est au courant, normalement, il est au courant, parce que c'est même encore le stagiaire qui lui a expliqué. Ah bon, bah d'accord. Si, je suis au courant, mais j'ai préparé quasiment que ça, en fait. Ah, honnêtement, okay. J'ai que ça prêt. Bon, bah, l'intérêt à déchirer ton intro, frérot. Il y a 8 secondes, ok ? Ok. 8 secondes, tu es prêt ? Ouais. 3, 2, 1. Arnaud, la nouvelle star de Open Space, c'est à toi. Et dans un instant, on va s'écouter du gros son de floor avec le dernier Martin Garrix. C'est ça que t'as le plus préparé ? Ouais, non, en fait, j'ai rechangé. Quel mytho, celui-là, c'est pas possible, là, sans déconner. Bon, alors, on va passer aux notes. Arnaud, je vois des notes qui arrivent, tu te fais massacre hein, sur les SMS au 3044. Ah, attends, ouais. Je vois du 2 sur 10, du 1, du 0, 0, 0, 0, 0 sur 10, 0 sur 10 aussi, 3,5 sur 10, 2 pour la participation, on nous dit. Bon, alors, on va donner des notes dans l'équipe. Jonathan, vas-y, fais-nous ton débrief et ta note. Bah écoute, je suis un peu assez mal placé pour dire ça, mais c'est vrai qu'il a une bonne voix. C'est-à-dire que la voix tient, c'est pas mal. Après, pour le contenu, bah c'est mauvais, mais je lui donne un 4, tiens. 4 sur 10. Ouais, 4. Coralie. Le contenu était vraiment très mauvais. Ah ouais. Il n'y en avait pas, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y avait vraiment aucun contenu. Et ouais, moi, je te donne 2,5. 2,5 sur 10. C'est dur, quand même. Ah, je vois un 5 sur 10 qui arrive quand même. Ouais, pour toi, ouais, sa voix m'excite. C'est le 5 sur, c'est la meilleure note en fait. Ouais. 3 sur 10, 2 sur 10, on nous dit au 30-44. Balancez vos notes pour Arnaud, on te donne la moyenne dans 1 minute 30. Il vous reste 35 secondes pour balancer vos notes. Alors, moi, Arnaud, je vais te débriefer. Enfin, je vais te dire ce que j'en ai pensé. Alors, Arnaud, tu t'es foutu de ma gueule. T'as pas bossé. Frérot, le constat est simple. Hein, écoute, je suis. Voilà, c'est j'en perds mes mots, Arnaud. Non, mais je pense, je vais voir. Arnaud, tu me files ton carnet de correspondance et puis je convoque tes parents, ok ? Ça va être très simple, Arnaud. On va faire un rendez-vous parents-prof et on en parlera avec eux. Arnaud, tu crois que c'est comme ça, Arnaud, que tu vas y arriver ? Non, mais Arnaud, frérot, je t'avais demandé de préparer un truc, t'as bossé Walou. Ah, il a raccroché, Arnaud, il s'est vexé, quoi ? Non, ça a coupé, c'est standard. Ah, Coralie qui a fait une fausse manip. Rappelle-moi Arnaud. Non, mais Arnaud, c'est vrai qu'il s'est foutu de notre gueule, on est d'accord. Bah, il s'est foutu de notre gueule, oui et non, dans le sens. Bah, où... il a voulu lancer un mon cul comme ça en impro. Alors que pourtant, on vous dit hors antenne quand vous faites la nouvelle star qu'il faut nous dire ce qu'il faut dire. Si vous avez besoin de personnes à l'antenne, si vous avez besoin qu'on demande à des auditeurs de s'inscrire pour jouer avec vous, voilà. Mon petit Arnaud. Bon, alors passons sur le contenu qui était haché. C'est vrai que t'as une bonne voix pour te faire de la radio, je pense. Donc, il faudrait que tu bosses un petit peu. Parce que bon, nous on bosse pas beaucoup, je pense. Non, on bosse pas beaucoup dans l'Open Space, hein, ça c'est vrai. Et voilà, pour l'intro musicale, tu t'es aussi foutu de ma gueule en me disant que t'avais préparé un truc et Walou. Alors moi, je te mets quand même pour la voix, pour la participation, et puis aussi pour la mauvaise foi. C'est une qualité importante d'être des c'est animateurs radio. Je te mets la très bonne note d'un sur 10. Oh putain, t'es dur. T'es quasiment plus. Non, mais j'aime pas qu'on se fout de ma gueule. Et Arnaud, il s'est foutu de ma gueule, il m'a dit qu'il avait bossé. Alors, Arnaud, les autres notes qui arrivent, 2 sur 10 pour toi, 3 sur 10, 4. Ah bah, tu vois, il y a des 4 quand même, c'est cool. Y a plein de zéros aussi pour toi, Arnaud. On va faire la moyenne. Jonathan, normalement, a fait la moyenne. Hop, la moyenne. Oh putain. Ah, j'ai jamais vu une moyenne aussi basse. C'est-à-dire que même moi, on me présentant de l'année jamais au cours, j'ai jamais eu ça. Ah, vas-y. 2,54 sur 10. Ah, t'as la même moyenne que moi en maths à l'époque. 2,54 sur 10. Oh, putain, c'est quoi, j'ai arrondi à 3 sur 10, Arnaud, je suis grand seigneur, ok ? Ok. Bon, Arnaud, je pense pas que tu gagneras la nouvelle star, du coup, vu que le premier à 5,5, c'est ça ? Le premier à 6,4. À 6,4. Bon. Il était pas mal d'ailleurs. Arnaud ? Bah, l'essentiel, c'est d'avoir participé, Arnaud. Mais frérot, franchement, si tu veux faire de la radio. J'ai voulu préparer, honnêtement, j'ai voulu préparer un truc. Et je me suis préparé comme ça en à l'arrache un peu. Je galérais tout ça. Mais tu sais quoi ? Je me suis dit tant pis, je vais le faire à l'arrache et on va voir ce que ça donne quoi. Mais tu sais quoi ? Tu te poses en fait, tranquille, t'écris un truc bien. Un truc dont t'es à peu près fier, donc t'es à peu près content, d'accord. Et mais continue, d'accord, parce que t'as une bonne voix, tout ça. Donc je pense que si tu bosses un petit peu, y a pas de raison que t'y arrives pas, d'accord. Non, bah carrément. Y a bien Guillaume Play qui fait de la radio, donc pourquoi pas toi. Ouais, c'est clair. Ok Arnaud, et nous on est là aussi, donc c'est la preuve que tout est possible. Bisous mon Arnaud. Et lâche pas l'affaire, ok frérot. Ouais, je compte sur toi. Et tu nous rappelles si tu veux refaire une nouvelle star avant la fin de l'année, y a pas de galère, ok. Comme ça on verra un petit peu tes progrès et tu pourras nous prouver que quand tu bosses, eh ben c'est cool, ok. Ok. Salut Arnaud, à bientôt plus, frérot, tu reviens quand tu veux mon Arnaud. Minuit 53 sur Fun Radio, merci de nous avoir choisi les amis. Dans quelques instants, il y a quoi Jonathan? Alors on va se faire la roue des jeux, il y a plein de trucs à gagner, c'est un truc de dingue, plein de jeux aussi à faire. Le chantophone, le blind test pour un précoce, le coucou c'est moi, le mon cul, enfin plein de trucs. Et on va aussi se faire un rassera pour un champion. Rassera pour un champion, ah oui, avec Julien Transpers qui va arriver, Maître Kevin aussi, et puis TLF, voici à fond dans l'open space. Même leur monde, ma jeunesse vit à fond, sa réalité entre rêves et bas fond. Black, blanc, beurre, en somme, c'est pas bon, on est tous connectés, nouvelle génération. Blonde, leur monde, ma jeunesse vit à fond, sa réalité entre rêves et bas fond. Black, blanc, beurre, en somme, c'est pas bon, citer nos limites, pousse le son à fond. Pousse le son à fond. Du nord au sud, l'est à Brest, le malaise progresse. Je l'ai bu dans la presse, trop de familles sans dette. Pendant que d'autres s'engraissent, trop de manifs, trop de grèves. Beaucoup rêvent que la courbe du chemin s'inverse. On fait la fête pour oublier ses maux de tête. Ma jeunesse est à fond sur le net. Des enfants adoptifs de Mark Zuckerberg. Tout le monde se connaît, tout le monde se connecte. Ça, ça tire, ça fume, ça s'exprime en émoticône. Je suis à fond dans la musique, à fond dans la déconne. On est sur tous les réseaux, même sur PlayStation. T'es à fond sur elle, c'est vrai qu'elle est mignonne. Elle a le fond et les formes, on est à fond dans la fonte, soit fitness. Snapchat, Insta, chicha, tout le week-end. Prêt à explorer le monde des nuits parisiennes. À fond derrière le PSG, trop détrôné par sa MSN. Nomme leur monde, ma jeunesse vit à fond. Sa réalité entre rêve et bas fond. Black, blanc, beurre, ensemble, c'est pas bon. On est tous connectés, nouvelle génération. Nomme leur monde, ma jeunesse vit à fond. Sa réalité entre rêve et bas fond. Black, blanc, beurre, ensemble, c'est pas bon. Citer nos limites, pousse le son à fond. Pousse le son à fond. Vas-y, mets-toi à fond. Poussez le son à fond. Ça, c'est nos limites. Ça, c'est nos limites. Ça, c'est nos limites. Tout le monde est à fond. Ça, c'est nos limites. Ça, c'est nos limites. Ça, c'est nos limites. Tous les jours à fond, à fond, à fond. Ensemble à fond, à fond, à fond. On se maintient à fond, à fond, à fond. On lâche rien à fond, à fond, à fond. Tous les jours à fond, à fond, à fond. Ensemble à fond, à fond, à fond. On se maintient à fond, à fond, à fond. Citer nos limites, pousse le son à fond. Pousse le son à fond. Vas-y, mets-toi à fond. Pousse le son à fond. Ça c'est nos limites, ça c'est nos limites, ça c'est nos limites. Tout le monde est à fond. Ça c'est nos limites, ça c'est nos limites, ça c'est nos limites. Nos limites sur Fun. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Mais oui, on est là, je me suis mangé le jingle, ça faisait longtemps. Jusqu'à 2h du matin, c'est l'open space, vous vous ramenez, vous tous et vous toutes. Faites-moi exploser ce putain de standard au 02851 4x0. Darlon a tourné. Venez faire vivre ici la liberté d'expression. Maître Kevin, je l'attends celui-ci, il arrive. Il doit nous raconter des trucs sur Baba d'ailleurs, sur Cyril Hanouna. Je vous rappelle que Maître Kevin, oui, il bosse pour Hanouna, pour TPMP. Pas que, d'ailleurs. Et putain, tu sais qu'on a appelé Hanouna la semaine dernière quand il y avait Miss Talia Belgio. Ouais. Et il m'a dit tout à l'heure, je l'ai eu au téléphone, il avait commencé à nous en parler hier, on n'a pas eu le temps de développer le truc. Mm-hmm. Et je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, je lui ai dit c'est quoi cette histoire avec Hanouna, tout ça, il a écouté le message. Et il me dit ouais, il a écouté le message et il a dit texto, texto. Écoutez bien, y a des petits cons qui m'appellent à 2h du matin, si je les attrape, je te les fous en sang. Mais non. Donc voilà, je pense que Cyril Hanouna est. Putain, je l'adore, hein, mais. Donc ça veut dire que Cyril Hanouna. Depuis nous voir. C'est qui on est d'ailleurs. Ah non, non, bah pour lui, on est des petits cons. Enfin, oui, bah, il a pas tort d'ailleurs, il a pas tort d'ailleurs. Excuse-moi, mais être un petit con pour Cyril Hanouna, j'ai réussi. Non, non, mais il a même pas capté qui on était, hein. Il a même pas capté que c'était Fun Radio, je crois, mais il a juste capté que c'était. Bon. On essaiera de l'appeler tout à l'heure, tiens, puisqu'il me fait chier celui-ci. Ah non, bah je vous le dis, rien à foutre, Hanouna ou pas. Il y aura Benassi tout à l'heure pour le son dance floor. Merci, Zezel, qui me ramène de l'eau, ça fait plaisir. Paradise. Et bonsoir Catherine, qui est dans le standard. Bonsoir. Hello, ça va Cathy? Quoi? Ça va? Oui. Bah oui, tranquillement. Oh, t'as une voix toute mignonne, Cathy. Merci bien vous. T'as 27 ans, t'appelles de Florentville, c'est ça? Oui. Alors, par contre, j'ai l'impression que tu captes super mal, Catherine. Non, je crois qu'elle parle norvégien, en fait. Oui. Onag. Catherine. Oui. Tu captes mal ou quoi? Non. D'accord. Bon, alors explique-moi pourquoi tu m'appelles, s'il te plaît. Alors, je suis aide à domicile chez des personnes âgées. Mmh. Cool, c'est un beau métier. Et ça fait longtemps que je travaille chez une amie. Et récemment, elle a été victime d'un vol. Ah bah cool. À son domicile. Et malheureusement, elle a un fils et il m'accuse d'avoir volé chez elle. Ah putain. Alors que pas du tout. Mais t'as rien fait. Voilà, j'ai rien. Allez, à vous, va. J'ai toujours été très gentille avec sa mamie. D'ailleurs, je m'entends très bien avec elle. Mm-hmm. La respecte. Enfin, voilà. D'accord, mais ils t'ont accusé d'avoir volé quoi? Ils m'ont accusé d'avoir volé des bijoux. Mais ils n'ont pas de preuves? Non, aucune. Donc, juste enfin, sur son ressenti, quoi. Voilà, c'est juste. Mais quoi, son... Le fiston a essayé de te pécho et tu l'as recalé ou quoi? Pourquoi il a la haine contre toi au point de t'accuser? Bah je sais pas, même il y a un jour, je suis rentrée dans sa chambre pour faire le ménage. Et il est rentré chez lui, il m'a vu dans sa chambre et il a pris une crise. Il a commencé à crier. Alors sympa celui-ci. D'accord, et du coup, j'imagine que, bah, je sais pas, t'es employé au Black ou tu passes par, ou la personne qui t'embauche passe par une agence. Une agence, c'est ça? Une agence. Ah, c'est une agence. Agence. D'accord. Et donc, du coup, c'est ton agence maintenant qui te fait chier et qui t'a... Ouais, voilà. D'accord. Maintenant, il menace de te licencier et tout? Il essaie de me faire faire mon boulot, il essaie de me faire faire mon boulot et ça va pas. Bah, dis-leur qu'elle est sénile, hein. Bah, je sais pas, non, mais ou que lui, c'est une. Enfin, tu peux pas te laisser faire et perdre ton taf pour un truc que t'as pas fait, quoi. Ouais, non, je peux. Enfin. C'est sûr. Est-ce que je peux juste lui faire passer un petit message? Bah, bien sûr, tu vas avoir l'occasion de faire le défouloum dans quelques instants. Mais moi, j'ai juste une question, parce que là, il t'accuse sans preuve, mais toi, de ton côté, est-ce que t'as pas une preuve pour laquelle tu peux te défendre? Genre, voilà, t'as pas, je sais pas, y a pas des caméras. C'est compliqué, quoi. Quand on t'accuse d'un vol, de dire que t'as pas volé, à part dire j'ai pas volé. Voilà, mais dans ces cas-là, c'est pas fondé de sa part à elle, enfin, de sa part à lui, et donc elle a pas à se défendre s'il y a pas de preuve qui l'accable. Bah non, mais bon, quand on te le fout dans la gueule. Et maintenant, elle risque de perdre son travail, Catherine, parce qu'en plus, même si elle a rien fait, si le gars dit ok, je veux plus bosser avec elle, bah c'est le gars qui choisit, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, bah Catherine, qu'est-ce que je peux dire? Après, c'est vrai que quand t'es vieux, tu passes ta vie à te remettre en question pour un champion. Voilà, je vais y aller. Bonne soirée, c'est tout pour moi. Ah, c'était tout? Ah, c'est tout pour moi, c'était ma vanne. Non, non, mais après, c'est vrai, si je peux me permettre, les vieux, il y a un truc qui me vénère en ce moment, c'est qu'ils te regardent mal. Moi, ils me regardent super mal en ce moment. Le jour, j'étais dans les heures de pointe. Ouais, il était 16-17h dans le tram, j'étais assis tranquille, tu vois. Et t'as une dame, une vieille dame et une femme enceinte qui me regardent méchamment. Ouais. Moi, je suis assis tranquille, tu vois, tout le monde est debout, mais ok, très bien. Mm-hmm. Je dis quoi? C'est parce que je suis noir, c'est ça? Donc voilà. T'es pas noir? Hein? Merci. Tu vas t'acheter un second et un troisième degré et un quatrième. Je crois que je vais simplement m'acheter une compréhension. Coralie qui a encore moins compris de toi, en fait c'est moi qui vais m'inquiéter. Je pense que je vais essayer de candidater pour la nouvelle star de l'Open Space la semaine prochaine. En fait, en début d'émission on essayait de décoller, là on est en atterrissage. Ah, voilà, ça, la limite là, en crash en fait. Là on est en Houston code 9-3 quoi. Delta Charlie Delta. Ouais. En quoi est-ce que ça vous est déjà arrivé dans l'équipe de vous faire accuser d'un truc que vous n'avez jamais fait, que vous n'avez pas fait, Coralie? Ouais, moi on m'a accusé de vol aussi. J'animais un stage pendant une semaine et on dormait sur place en fait. Et genre le dernier jour il y a quelqu'un qui a son paquet a disparu, son paquet de cigarettes, et on m'a accusé moi. Or que non, j'avais aucune raison de voler son paquet de cigarettes. Moi, j'avais des cigarettes, donc voilà, j'avais aucune raison de le faire. Et vu qu'on avait la même trousse de toilette avec tous nos petits trucs, et vu qu'elle mettait ses cigarettes dedans, eh ben on m'a accusé. Alors que j'avais jamais fait ça. Je fais pas de mal à une mouche, je vole rien du tout, je mange pas un bonbon, je pique pas un petit bonbon dans un magasin, mais c'était moi qu'on avait accusé. Du coup, j'étais au bord du rouleau, j'ai pleuré pendant toute la journée. Et du coup, ça t'a stressé, t'as commencé à fumer. C'est ça, ok Coralie. Non mais moi je me rappelle une fois à la radio on a reçu un mail pour nous dire ouais vous avez foutu le bordel dans le studio, on va prendre cher etc. Putain, ouais. Ça m'a rendu ouf, c'était pas nous. Je ne sais pas si c'était l'émission d'avant mais en tout cas c'était pas nous. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis énervé, je suis monté au quatrième. J'ai dit ok c'est bon maintenant je monte dans le bureau du patron. Et j'ai dû rattraper tout ça pour faire comprendre que c'était pas nous, quoi. Ouais, bien sûr. Bon, ok, j'ai sucé. Bon, ok, et alors? Bon, qui n'a pas sucé? Celui qui n'a pas sucé le boss de Fun Radio ici me jette la première pierre. Je ne... Aïe! Oh putain! Vous êtes sérieux? Oh putain! Mais d'habitude, je fais cette vanne, personne ne m'en voit rien, bande d'enculés! Bon! Ah putain, mais là c'était violent! Catherine, je viens de me prendre un stylo dans la tête par Coralie! Non, mais encore si c'était un petit stylo là, c'est carrément une cartouche que tu viens de te prendre! Ouais. On nous dit au 3044, le fait d'accuser à tort est puni, elle devrait menacer de l'attaquer pour diffamation. C'est vrai, Catherine, si t'as vraiment rien fait, porte plainte aussi, mais bon, après ça reste ton employeur donc c'est compliqué. Ouais. Quoi? T'as une bosse qui pousse en fait. Ah, j'ai une bosse, Coralie? Non, tu me casses les couilles. Si, si, en plus, on a un shooting demain, Coco. Je suis désolée. Pour les photos de la fin d'année. Ah, attends, excuse-moi, non, c'est pas une bosse, c'est juste ton cerveau qui ressort un peu trop là. C'est pas mal. D'accord. Ça veut dire t'en as un gros. Merci. T'as le cas de tout le monde. Alors, Catherine, on y va des full room? Maintenant? Bah ouais, maintenant. Ou à moins que tu veuilles attendre quelques petites minutes? Non, d'accord. Bah... Ah bah, on y va. 3, 2, 1, fais-moi rêver, Catherine. Alors, j'ai juste un truc à dire sur c'est un gros profiteur et qui pense vraiment faire croire à sa grand-mère que c'est ma fille à voler. Mais il met les doigts dans les yeux. Il m'écoute bien. Je vais tout balancer à sa mère. C'est lui, il la vole. Mais qui me croit, hein, parce qu'il va être payé du testament. Mais ça, c'est sûr et certain. Ok. T'es défoulée, Catherine? C'est bon, tout va bien. Bon, j'espère que ça va s'arranger en tout cas, cette histoire, Catherine. Attends, tiens, je t'ai pas posé la question. Est-ce que t'as déjà été accusé de quelque chose que t'avais pas fait? Oui, mais alors dans ces cas-là, j'adopte la même technique. C'est-à-dire que ce soit moi ou que ce soit pas moi, je me vénère. Non, mais raconte-moi l'histoire. Ben, en gros, parfois, on m'accuse de trucs que j'ai pas fait. J'ai pas d'exemple concret, mais ça m'arrive assez régulièrement. Tu vois, on m'accuse de trucs, voilà, parce que je sais pas, j'ai un peu la tête de l'emploi. Donc, du coup, je me vénère. Et c'est vraiment, ça me zarafe un truc de dingue. Mais alors, j'adopte aussi l'inverse. C'est-à-dire que quand on m'accuse d'un truc que j'ai fait, ben, j'adopte la même technique, c'est-à-dire que je me vénère. Donc par exemple, je sais pas, j'ai fait une connerie, j'ai renversé un truc et ça tombe sur ma gueule. J'ai dit, mais non, putain, c'est pas moi, à chaque fois on m'accuse et tout. Alors qu'en fait, si, c'est moi. Bon, en gros, on sait jamais savoir si c'est vraiment moi ou pas. D'accord, c'est la technique de prêcher le feu pour avoir le vrai. Ou l'inverse, enfin c'est l'inverse du coup. C'est ça. Technique de la pute, qui te correspond bien. 3044, je trouve que Cyril Hanouna est génial, mais force que touche pas à mon poste, passe à ma télé. Ça devient un peu lourd, on nous dit au 3044. Catherine, oui. Je t'embrasse. Okay, je te souhaite une bonne soirée, ma bisous, Catherine, Katoche. Et j'espère que ça va s'arranger ton histoire avec ton patron, ok? Merci, bonne soirée. Bisous, bisous, ma Cathy. 02851 4x0. Tiens, depuis qu'on a parlé d'Entep tout à l'heure, oui. On nous demande de repasser des moments avec Entep. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait passer les meilleurs moments de l'émission. Donc tout à l'heure, je vous propose de. Tiens, dans quelques instants, on va se faire un mon cul avec Entep. On va se repasser un mon cul avec Entep parce que Entep, c'est vrai que c'est un des meilleurs stagiaires qui est passé avec Zezel. Avec Zezel. Avec Zezel. Ouais. Les deux sont arrivés au même moment d'ailleurs. Ouais, et, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, Entep. Rest in peace, Arrête. Voilà. Donc, on va se repasser ce moment parce que quand même, il était énorme. On va essayer de l'avoir au téléphone. Tiens, j'ai envie de l'avoir s'il nous manque un petit peu, Entep. Et puis, Benny Benassi, c'est ce qu'on écoute tout de suite avec Chris Brown sur Fun Radio. Voici Paradise. I live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying fire. Now we're burning up, not over. Yelling, turn it up. Let go, let go, let go. Closer I get to you, it feels like paradise, and I'll do anything you want me to, when we're in paradise, I'll see you on the other side, where it's alright, if tonight is the last night. We'll be right back. Merci d'écouter Fun Radio, où que vous soyez, quoi que vous fassiez en Belgique. On est là, Open Space. Are you ready? Une galère? Appelez l'Open Space. Go! 02 851 4x0. Mais soyez bons. Oui, avec toute l'équipe et avec dans quelques instants la suite du Son Dance Floor, Dimitri Vegas qui arrive pour vous. Avec Lock Mike. C'est nouveau, ça s'appelle Arcade. On a été la première radio dans toute la Belgique à vous le jouer. Et c'est dans 5 minutes. La radio du son Dance Floor, il y aura du Martin Solveig tout à l'heure. Tiens, un petit Mist Probs à l'ancienne. Ouais. Ça fait plaisir. Alonso, la BO de Pattaya qui allait juste avant 2h du matin. Plein de conneries encore. Maître Kevin qui va arriver. Demain, il y aura la voyance d'ailleurs, hein, pour ceux qui nous demandent sur les SMS avec AXD qui sort d'entour demain dans l'émission. Vous inscrivez au 3044 et vous posez vos questions déjà en privé sur le Facebook. Coralie, tu es connectée dessus. Oui, tout à fait. Le Facebook Mike Open Space. Faut que je dise des messages, c'est ça? C'est ça. D'accord, attends, on a un message d'Hélène qui nous dit: mon fils m'a conseillé de vous écouter, je sais qu'il vous écoute tous les soirs depuis l'internat, donc faites un bisou à Benjamin de ma part. Eh bah, bisous Benjamin. Et sinon, on a un message de Marie qui nous dit: coucou les gars, vous êtes géniaux, et Mike, j'adore ta voix, je te kiffe trop. Merci beaucoup Marie, ça fait plaisir, n'hésite pas à m'appeler. Ah non, c'est vrai, je me suis remis avec Coralie. Mais n'hésite pas à m'envoyer un message en privé sur mon Facebook, mais d'abord, fais-toi un profil de mec, tu vois, comme ça Coralie va pas griller quoi. Appelle-toi Mario. Passe. Mario, ça passe. Voilà, 1h11. Tiens, bon, comme promis, on va se faire le Mon Cul avec Entep. Allez, vas-y. On se rappelle des bons souvenirs, les meilleurs moments de l'émission sur Fun Radio, avant de faire une race pour un champion aussi qui arrive. Ça arrive. Avant d'écouter Dimitri Vegas. C'était Brandon qui était avec nous. Ça, c'est Brandon, hein. Oui, c'est moi. Yes, tu es suisse, Brandon? Oh non, je ne suis pas suisse. Tu parles tout doucement. T'as fumé, Brandon? Oh non, c'est la vie qui m'a fumé. C'est la vie qui t'a fumé. Brandon, je vais te faire passer au shitotest. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit shitotest dans cette émission. Cet instrument de mesure très très précis de votre fonce de fonce des. Souffle, Brandon, dans le shitotest. Je t'en prie. Du bullshit sa mère. Il casse la gorge, il casse la gorge. Bullshit sa mère. Fais le béton, ma gueule. Ouais, bah bravo, bâtard. Excusez-moi. Non, parce qu'on nous dit sur l'SMS, mec, tu devrais passer au shit test, t'as l'air bizarre. Non, mais je suis malade, les amis. Je suis au bout de ma vie depuis 23 heures. Mais si vous voulez, je vais passer quand même au shit test. Jusqu'au jour où j'ai eu des problèmes d'érection. Ah, bah ça, bah, c'est le jour où j'ai vu Jonathan. Non, c'est pas vrai. Samedi, t'avais l'air en forme. On va se calmer. Et vas-y, souffle, toi. T'es vraiment un putain de patate. J'aime bien. Allez, vous voulez passer au shit test 3044 sur l'SMS. Brandon, tu fais quoi dans la vie, gros? Oh, pour l'instant, bah, je travaille dans un bar. Mm-hmm. Il est au chômage, quoi. Non, dans un bar. C'est quel bar? C'est quoi le nom du bar? Oh, à Liège, enfin, j'ai pas attention en fait, donc je fais que mon travail, donc voilà. Donc toi, tu bosses dans un bar, tu connais même pas le nom du bar. Mais il est perché pour de vrai. Ok, bon, allez, perché, on va faire tourner la roue des. Perché pour de vrai. Perché pour de vrai. J'ai pas suivi là. Entep, t'es notre backer officiel normalement, c'est ouais, ça. Ouais, mais c'est, moi, c'est le jamais, c'est pas pour de vrai. Allez, je suis au bout du roule-mas. Brandon, on fait tourner la roue des jeux. On a mis quoi dans la roue des jeux ce soir, Juche? On a du jeu de la rime, on a du QCM, on a du Shabada, on a du Mon Cul également, du jeu de la ferme, de l'inversophone, j'en oublie certainement, il y en a beaucoup. Ok, on fait tourner la roue des jeux, tu vas pouvoir repartir avec du cadeau Fun Radio. Si tu relèves le défi qui te sera lancé par la roue des jeux, Brandon, ok? Youpi. Il est énorme. Allez, c'est parti Brandon, tu stop quand tu veux. Stop, Brandon! Oh, stop! Eh, Brandon, si on te fait chier, je peux un croc, frérot. Il y a d'autres personnes qui veulent faire des jeux et repartir avec du cadeau sinon. Brandon? C'est pour ça, t'inquiète pas. Ok. Ah! Et bah pour se réveiller, rien de tel qu'un mon cul, les amis. Le jeu du mon cul, je rappelle le principe. Tu vas choisir quelqu'un pour jouer face à toi, Brandon. Qui tu veux face à toi? Qui estimes-tu le plus faible, mon cul? Jonathan, Ju, Entep, ou moi, Mike, ou Jonathan qui s'y connaît en cul? Moi, je prends Entep. Allez. Et tu as très bien choisi parce qu'Entep, pour moi, c'est le plus faible mon cul de toute l'équipe. Parce qu'Entep, il ose pas en fait. Il ose pas déranger les gens. Ouais, c'est vrai. Et ça le fait chier d'appeler des hôtels, tout ça pour faire des moncules. C'est un vrai gentil, Entep. Ouais, c'est vrai, il est gentil, Entep. Entep, je crois qu'il y a juste qui veut te pécho. Brandon, tu commences ou Entep commence? Ah, bah, je vais laisser Entep alors. Ok, très bien. Donc, Entep, tu seras le temps de référence. Je te rappelle que tu dois placer un mon cul en moins d'une minute trente. Et qu'ensuite, Brandon devra faire moins que toi. Ok? Ok. Non, il y a personne qui l'a. J'ai cru que vous leviez la main, les amours. Ah non. Allez, c'est parti. On appelle. Et il y a du cadeau pour toi, Brandon. Si jamais tu bats Entep au mon cul, je sens très mal Entep sur le coup. Il se passe des trucs chelous dans le studio. Ju est en train de chauffer Entep. Non, il se touche l'essence, il vient. Attention, attention. Wesson's Hotel à votre service. Nous vous prions de bien vouloir rester en ligne. Votre appel est en attente. Hôtel Bossa, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais réserver une chambre pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Écoute, il m'écoute. Oui, pour quelle date? Le 28. Allô, monsieur? Oui, à moi, s'il vous plaît. Oh, ouais. Monsieur? Oui, on a la place. Pardon? Oui, on a la place. Ah, vous avez la place. C'est bon, vous savez écrire mon nom de famille, s'il vous plaît? Oui. Qui? Si. Mon cul. Ah, joli. Ah, joli. Alors, on va pas se mentir, on a rien écouté, Entep. Ju était occupé à chauffer Entep. On peut peut-être parler au... Ah, il a raccroché. Ju, vas-y, frotte-toi, Entep, parce qu'il est très très mal, Ju, de la possibilité. Mais c'est chelou, cette émission, elle est vraiment chelou. Attends, ça part en couille. Comment ça va, Entep? Et juste tout. Il est sanglé et tout, hein. Entep, t'es bien? Ça m'excite, hein. Poto, va t'asseoir vite. J'adore ce gars, sans déconner. Mike, je t'avais dit, il fallait pas embaucher d'autres gays que nous, voilà. Oui. Écoute, tu vas. Quoi? Il y a d'autres gays que moi ici? Mais oui, la cage aux folles. Mais sans déconner, les gars, vous êtes sérieux là, la cage aux folles? Je pense. Oh, la vidéo, elle va se calmer. Ça nous écoute du côté de Molenbeek qui entend de l'autre folle, Jonathan. Molenbeek, les bombes, on est hétéro, les gars. Oh, ouais, on est hétéro, les gars. Arrête de parler, c'est mieux. Non, mais on a rien contre les gays, clairement. Non, mais il faut le dire. Bien sûr que si. Ah ouais, quoi. Sérieux, tu veux. Non, on respecte. On est gay, Jonathan. Jonathan, t'aimes bien, t'inquiète pas. Non. Tu me suis pas là? On respecte, y a pas de soucis. Non, mais je te suivrai toujours. Bah, gay comme jamais. Sauf là. Écoutez, bon allez, je vais te voir. Excusez-moi, j'ai besoin d'aller voir ma meuf, il faut que je me rassure là. J'ai besoin d'un rassurement personnel. Brandon! Attends, est-ce que le score d'Entep t'intéresse? Ah si, il compte. Oui, 31 secondes. D'accord, et on était parti sur un autre dose total là. Brandon! On y va, tu dois battre 31 secondes. Ok. Tu penses que c'est Gira, Brandon? Ouais, avec mon cul, c'est pareil. Allez, j'en peux plus, vous êtes tous en craquage. Je suis malade, putain, je pensais que je pourrais tenir sur vous au moins. Non, mais non, moi je suis compté. Je suis encore bourré de vendredi, moi. Bravo. C'est beau l'alcool. Excusez-moi. Ah, Régine est au téléphone, non? Madame Lebel. Et bonjour. Oui, bonjour. C'est qui? C'est Hôtel Capitol. Français? Ouais, c'est Hôtel Capitol. Pardon? Hôtel Capitol, monsieur. Ah, Namur. Eh, c'est foiré! C'est de la merde! Raccrochage à la gueule en bonne et due forme. Il parlait pas français, il parlait pas français. Si, il parlait français, je te le confirme. Petit accent. Moi, j'ai pas entendu grand chose. Bah, t'as perdu. En même temps, vu ton état, vu ton débit de parole, ça ne m'étonne pas. Ouais. Et dans les dents, Brandon, t'as cru que j'étais le plus faible, mais c'est toi le plus faible. C'est toi, ok? C'est toi! C'est Entep! T'es faible, et je rembarre avec un pack fun radio. Non. Ah. Tu gagnes, voilà. Non, le Entep, tu gagnes le droit d'avoir gagné mon cul, c'est déjà beau. Il y en a peu dans cette émission qui peuvent se vanter. C'est vrai. De ça. Voilà. Brandon, je te souhaite une bonne soirée. C'est perdu, frérot. Ciao, mec. Désolé. Oh, attends, je te mets quand même la musique de la loose pour pas que tu sois trop déçu. Et à bientôt, Brandon. Bonne soirée, mec. C'est le Brandon. Tu nous écoutes quand même jusqu'à 2h, frérot. Hein. Ouais, t'inquiète, j'ai compris. Allez, yes, aïe. 02-851, 4x0, Mike Open Space sur Fun Radio. Merci d'écouter Fun Radio. Jusqu'à 2h du matin, une seule émission pour foutre le dawa. Bienvenue dans l'Open Space. Une galère, appelez l'Open Space. 02 851 4x0. Mais soyez bons. Nous sommes là, fidèles au poste, avec Jonathan, oui, qui est là, bien sûr. Coralie, qui décroche le numéro, ma chérie, pour t'appeler, pour te joindre ce soir et pour faire vivre la liberté d'expression. Le 02 851 4x0. Maître Kevin, on va le retrouver dans quelques instants. Il va se connecter depuis Paris, comme chaque soir. Tiens, j'avais une parodie à vous faire écouter, un son sur lequel je suis tombé tout à l'heure. Ouais. Ça m'a fait beaucoup rire, vous savez. Ça me fait peur parce que les derniers sons que tu nous as sortis, c'est Kenji et Slimane, donc j'espère que ce sera mieux quand même. Hein. T'as dit Kenji. Ah non, j'ai pas dit Kenji. T'as dit Kenji. J'ai pas et dit en plus, t'as Kenji, fait une combo puisque t'as dit Slimane juste derrière. Ah non. Vous le savez, à chaque fois qu'il dit Kenji, je suis obligé de me faire plaisir et de passer mon artiste préféré. Putain. Mon dieu, mon idole. Que dis-je, ma huitième merveille du monde, Kenji. Me quemo, tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento. Me sume, sume, sume la calor. Me quemo, te quemo. Ah. Tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento. Allez. T'aimes bien? Non, oui, bah, j'écoute même plus en fait. Ah, tu n'écoutes plus? Moi, je peux en passer encore alors. Non, mais en fait, disons que je fais abstraction d'écouter. Tiens, on va se faire n'oubliez pas les paroles vite fait avec Kenji là, en impro là. Pas les paroles. Ouais, vite fait, ouais. Je joue pas avec le danger. C'est moi qui joue? Ouais, vas-y, Jonathan, tu joues. Je t'en supplie, laisse-moi tout. Je vais pas t'oublier. Ah, facile. Jobed, oui, bon, c'est ça, on va se retaper le son trois fois. Bon, je voulais faire écouter cette parodie. Ouais. J'ai chopé ça sur le net tout à l'heure, ça fait le buzz actuellement. C'est des Français qui ont fait ça à l'occasion de l'Euro 2016. D'accord. Ils ont parodié Francis Cabrel. Ah, c'est déjà pas mal, c'est déjà mieux. C'est laquelle Moi je n'étais rien, voilà, Petite Marie, c'est ça Non, c'est Je l'aime à mourir. Ah oui, Je l'aime à mourir. Pouvez prétendre, tous ceux qui vous dire. Et bref, ils ont parodié ça, version Euro 2016. Je voulais vous faire écouter un bout là, c'est plutôt drôle. Là. Ah oui, tu m'as pas coupé. Ah si, j'ai coupé. Entre nous tout va bien, mais voilà qu'aujourd'hui on est le 10 juin et l'euro c'est parti. Je préfère te prévenir. Tu vas sûrement te dire c'est qu'un match, ça va. Mais remballe ton sourire car l'euro dure un mois. On va plus sortir, on va plus sortir. Je on va te prévenir. Et comme ça se passe en France, je raterai pas un match. Si tu veux, mais c'est vacances, de la merde. Ah, j'aime bien, moi, ça m'a fait rire. Match pour te divertir. Et c'est pas censé être bien musicalement, quoi. Hein. Ne me prends pas la tête quand je serai devant les bleus. Regarde sur internet. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se sont concernés par ça. Si vous êtes en couple et que vous kiffez le foot, c'est un dilemme de ouf. Non, mais ce qui se passe, c'est que ça pourrait être marrant. Mais quand tu le mets sur du Francis Cabrel, c'est rarement, ça te met rarement la pêche. Peu importe les paroles, je crois. Seul ou avec tous mes amis, je vais me nourrir. À la bière dès midi et aux chips aussi. J'aime bien. Non, mais dites-nous ce que vous en pensez. 30-44. Je vais devenir lourd, je regarderai. Ah, il est là, Maître Kevin. On fera même plus l'amour. Je pense qu'à Pierre Mérès, je préfère te prévenir. La télé sera à moi jusqu'à 3h du mat. T'es ch'ti à Pattaya, tu les matras sur iPad, ça me trop m'envahit. J'aime bien, moi, franchement, dites-moi, je vous mets la vidéo en entière sur le Facebook Mike Open. Ce qui est bien avec Jonathan, c'est que quand il aime pas un truc, il faut passer tout de suite à autre chose. Hein. Mais tu rigoles ou quoi, on va pas se mettre tout sur l'entier. Merde, moi j'aime pas ta gueule, ça fait pourtant 9 mois que je te supporte, hein. Je passe pas tout de suite à autre chose. Oui, tu me supportes, un jour sur deux quand même. Hein. Ouais, c'est vrai, un jour sur 6 même, on va pas se mentir. Maître Kevin, je vous supporte tous les soirs. Bonsoir, mon ami. Ah, merci, salut les amis. Comment va la France? Comment va Paris? Ah ben Paris va bien, Paris est sous le soleil, il fait chaud comme dirait Patrick. Ah non, excuse-moi, Paris ne va pas bien, il y a Vince qui était dans vos studios tout à l'heure. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, mais t'as pas entendu, l'ami Vince qui a fait 20h22 là sur FunFR. Oh ouais, mais dis donc, mais c'est qu'on monte hein, les gars, là c'est bon ça. Lui monte quoi. Hein, Ouais, c'est cool pour lui, non, mais en tout cas. C'est sympa, mais franchement, je suis super content pour lui. Hein. Et Inch'Allah, il part à Fun Radio France, quoi. Qu'on l'ait plus dans les pattes ici, quoi, tu vois, tranquille. Non, je plaisante. Non. C'est pour rigoler, putain, ça va, on déconne. Vince et moi, c'est comme Hanouna et Arthur, on se kiffe de ouf. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, tiens, d'ailleurs, en parlant de Cyril Hanouna, Maître Kevin. Oui. Vous m'avez raconté un truc tout à l'heure. Ça m'a fait beaucoup rire. Ah oui, c'est vrai, vu les PTDR et le nombre de R que j'ai eu sur ma conversation. Ah bah là, je suis resté bloqué sur le R. PTDR sur 6 lignes. Ah, tu te dis cool là. Ah bah là, j'étais en mode XPTDR quoi, skip. Ah, skip. Bah alors, il me raconte. Ah, il est parti, maître Kevin, il a dû avoir un problème de connexion internet. Donc il m'a raconté en fait que Hanouna nous avait insulté parce qu'il a entendu le message qu'on lui a laissé. Bon, c'était un message hyper sympa, hein. Oui. On a voulu le mettre en relation, lui offrir un petit coup avec Miss Italia Belgio, je sais qu'il kiffe les belles meufs, tu vois. Donc je lui ai dit, vas-y, bah, on va l'appeler, il était avec nous la semaine dernière. Une belle blonde, tout ça, comme il kiffe bien. Et bah, il veut nous mettre ensemble, apparemment. Bon. Bah, vous savez quoi, d'ici la fin de la saison, je vais organiser un truc avec maître Kevin, on va tous aller, toute l'équipe va aller sur le plateau Touche pas à mon poste. Et d'accord. On va essayer de capter Hanouna. Je pense pas qu'on pourra le faire pendant le direct, mais on va essayer de le capter hors antenne. On vous prend une vidéo, tout ça. Et on va voir qui va mettre en son qui. On va faire ça. On va ramener des gants de boxe et tout. Et on va se faire un petit duel face à Hanouna. Je pense qu'il acceptera. Il est bon joueur. Je lui ai proposé ça avec Kevin. C'est une idée qui va te partir comme ça. Oui, par contre, ça se voit que c'est une idée qui vient de te parvenir comme ça. Parce que techniquement, c'est pas possible. On est là du lundi au jeudi, comme Hanouna. Il finit une émission à 21h30. Et nous, on est là à 23h. Et c'est là que tu te trompes. Il y a la radio. Paf! Bah oui. Ah, Fun Radio France. Non, on va aller le voir sur sa radio, sur son émission de radio. Il fait une émission sur une radio qui n'est pas diffusée en France d'ailleurs. Ah bah c'est tes derniers épisodes là en ce moment, donc on va en profiter. Ah là, là exactement. Bon, maître Kevin, on n'arrive pas à le récupérer, je suis en Tassera 3000. Dans quelques instants, on va se faire une Rassera pour un champion sur Fun Radio avec Angelo qui est là. Salut Angelo. Hello mec. Yo. Ça va Angelo? Tranquillou. Bon, bienvenue dans l'émission. Rachel est là aussi, 32 ans à Lège. Serait-ce ma Rachel d'amour? Bah oui. Ah, comment ça va Rachel? C'était encore la dernière fois qu'Aurélie a raccroché. Ouais, mais tu pouvais prendre mon numéro aussi. Hein. Je peux pas, je sais pas comment on manipule le standard. On va pas se mentir, moi je gère juste la table de mixage, ma chérie. Ouais, mais quand je t'envoie des messages sur le tableau, tu le vois bien, non? Quand je signe Rachel, tu vois bien mon numéro? Oui, mais non, il le voit pas parce que je suis là. Mais tu es grand pour le coup quand même, Coralie. Coco. Non, mais tu t'en fous pas, non. De toute façon, écoute, on s'est remis ensemble, c'est fini. Ah oui, c'est vrai, putain. Hein. T'es pas prévenu. Ouais, il y a une galère, Rachel, ouais, c'est la tuile. Il y a non, pas non, de galère. C'est pas grave. C'est la tuile. C'est pas grave. Bon, ma chérie, on va. Moi, je suis disponible si tu veux. Non, je te connais pas. Bon, Angelo, Rachel, vous bougez pas, les amis, on se fait une Rassera pour un champion dans quelques instants. Ok. Maître Kevin, il est revenu. Ouais, je suis revenu. Putain, mon internet, mon frère, il m'a fait un saut de l'ange comme Mike Brandt. J'étais pas bien. Bah voilà, frérot, tu vas accepter de bosser pour moi, de venir à BX. Et bah, tu vas te payer un vrai internet, pas comme Baba. Tu vois, ici, voilà, on va te mettre bien, frère. Bon, bouge pas, maître Kevin. On va jouer avec qui tout à l'heure? Avec Cheb Karlouche, ah, en honneur à nos amis musulmans. C'est le ramadan. Ah oui, Abdel Mabrouk, hein, d'ailleurs. Bien sûr. Oh, On fait les choses bien. Open Space jusqu'à 2h sur Fun. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Ah, j'aime bien, c'est mon moment préféré. Il y a toute la famille de l'Open Space qui est là. Il y a Jonathan, il y a Coralie également. Il parle plus lui quand je le cite ou quoi? Bah si, j'allais dire un truc. Un truc qui va te faire plaisir. Bon alors vas-y. Enfin, déjà il me saoule parce que je lui dis, normalement il dit ouais. Et là il dit rien. Bah non mais j'allais dire un truc mignon. Il y a les trucs Kevin aussi. Alors vas-y, ouais. Dis ton truc. Ouais. Mais ça... Simplement on dit, tu dis on choisit pas sa famille. Mais je suis vraiment content d'être tombé sur toi Mike. Parce que tu es la meilleure famille que j'aurais aimé d'avoir. Ah oh, c'est... Ouais. Personne dans le monde ne marche du même pas. Bon voilà, on choisit pas sa famille, on choisit pas ses amis, on choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher, retenez-le, c'est important. Zézel également qui est là, maître Kevin et Jérôme aussi le stagiaire. Putain, il y a beaucoup de monde dans cette équipe hein. Mr. Probs qui arrive dans 5 minutes, je t'ai cité Coralie, je t'ai cité juste après Jonathan tout à l'heure, comme je fais d'habitude. J'ai pas entendu. Tu passes toujours en numéro 2. Autant que moi. Oui, toujours deuxième. Ah ouais. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Attends, ça veut dire que c'est moi qui vais recevoir ta queue dans mon cul en premier? Non, putain. Rachel, j'ai à peu près eu la même réaction que toi. Merci, tu me rassures. 32 ans à Liège, Rachel. Quoi, on est open space après, hein. Tu fais ce que tu veux. Ouais, mais bon, ça va, ça reste en privé ce truc-là, quoi. Oui, tu m'étonnes. Alors, ma petite Rachel. Dis-moi. Jonathan qui vient de devenir tout rouge. Là, il est tout rouge, le gars. Bah, écoute. Bah, tu vois que t'es connerie, tu te fous de la honte tout seul. Bah, c'est pas ça, mais je suis pas forcément content de passer en premier dans ces cas-là, tu vois. Non. Mais pas en dernier, alors. Voilà. Allez, on va jouer ensemble. Cette émission de merde. Arrasa pour un champion. Avec Angelo et Rachel. Les amis, vous avez normalement chacun des mots de passe pour répondre. Puisque c'est notre paradis de questions pour un champion, notre paradis pour deux ronds d'ailleurs. Alors, quel est ton mot de passe, Rachel? Suceur de Schtroumpf. Suceur de Schtroumpf. Ouais. Donc tu donnes. À partir de maintenant, tu réponds au doux nom de Suceur de Schtroumpf. Yes. Mais Angelo, quel est ton surnom? Guillaume, c'est de la merde. Ah, j'en ai... Oh putain. Sérieux les gars, si on lui donnait un point d'avance pour ça. Eh non, hein. Oh, franchement, ça va loin. Eh, le gars, il va m'appeler, non, il va me menacer. Pas d'accord, moi, vous m'en mettez deux alors des points. Hein. Non, okay. Mais t'inquiète, 0-0, on commence à égalité. Mais le gars, il va m'appeler, il va menacer un de ces quatre. Hein, ah, Il va t'appeler. Il va m'appeler. Ah oui, d'accord. Okay. Calembour, Gaudriol, Palaram. Merci beaucoup. C'était des bruits de batterie, mais j'en ai pas dans la machine. Alors, on y va. Je vais demander à mon cousin, évidemment, Julien Transperce, de se ramener. Ah oui. Ah oui. Est-ce qu'il peut m'introduire? Introduis-moi. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Question pour une Rasra. Et présenté par. Il est présenté par. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est Momo. Momo le Perse. Momo le Perse. Bon, Momo le Perse, c'est moi. Ah oui, c'est moi. Ah oui. Ah oui, c'est moi, Momo le Perse. J'avais oublié cette histoire. Alors. Julien Transperce est là aussi. Ah mon oui, cousin. On s'installe. Alors, on s'installe confortablement. Est-ce que suceuse de Schtroumpf est là? Oui. Bonjour. Bonjour. Fais attention, je trouve proctologue, il reste de la merde un petit peu. Attention. Et Guillaume Play de la merde, c'est là aussi? Oui. Bon, très bien, je vais pas pouvoir le dire trop long, trop quoi ça. Écoute, on va s'arrêter juste à Guillaume. Guillaume en fait. C'est Guillaume, pas Guillaume. Ah, c'est Guillaume, ah putain. C'est Guillaume. Ah, mais ça peut, toi, t'as voulu, ah, tu mets fromage. Ça peut être, voilà. Ça peut être le youtubeur. Ça peut être n'importe qui, Guillaume. Sachez que je rigole beaucoup aux vidéos de Guillaume le youtubeur belge, voilà. Voilà. Donc après, déterminer qui est qui. Alors, ah oui, ah, je redeviens, je suis à Transperce. Indice, des questions, des indices, des questions, des indices, des questions, des indices. Rachel et Angelo. Et vous donnez votre mot de passe pour répondre. On va chercher un chanteur, un animateur et un animateur radio. Ah oui. Est-ce que c'est compris? Ouh. Yes. Oui. Attention. Indice en bas. Indice, où est-ce qu'on le fout l'indice d'ailleurs, Julien Transperce? Ah oui, on commence tout simplement. C'est une analfoque. Ah oui, l'analfoque dans ton cul. Ah oui. Indice en analfoque, c'est très bien. Tout à l'heure, on fera un indice en gloriole. Attention. Top, je suis une star de la chanson révélée dans un télécrochet sur TF1. Je suis un génie, je vivais dans une caravane. Et après avoir gagné plein de pognon, j'ai décidé d'acheter une autre caravane. Suceuse de Schtroumpf. C'est pas ce gros baraki de Kenji Girac. Ah oui, elle a pensé à dire ce gros baraki évidemment. Puisqu'il faut commencer par ce serait pas ce gros baraki. Sinon on ne compte pas les bispes. La réponse, elle connaît le jeu. Bonne réponse, bien joué la team standard. Ah oui, Kenji Girac. Et laisse-moi t'enlacer. Attention. Je l'ai fait en avance. Ah oui, point pour toi, suceuse de schtroumpf, il reste deux énigmes. Deux énigmes, Guillaume, c'est de la merde, ressaisis-toi. Attention, chien transperce, indice. Ah oui, là, on est nombreux. Ah oui, on est nombreux, il y a la fête, c'est tout le monde. Indice en boucaqué. Ah oui, ah oui. Putain, mais c'est... Indice dans ta gueule, attention. En boucaqué. Je suis n'importe quoi. Top. Je suis un animateur ayant un ingo tellement surdimensionné que si je pouvais, je ferais écrire mon nom partout sur mes vêtements. En plus déjà du titre de mes émissions, tout comme un ancien co-animateur de l'Open Stage, j'adore les enfants, mais je préfère les enfants qui viennent de la télé. Je balance des casseroles Fusseur et actuellement... Fusseur de schtroumpf. On n'est pas le gros baraki d'Arthur. Ah oui, c'est Arthur. Oh, bravo. Arthur. Ouais, bien joué. Qui est avec nous d'ailleurs, Arthur. Bonsoir, mon copain. Bonsoir. Alors, Arthur, il y a la nouvelle émission qui est lancée. Ah ouais, ouais. On fait une émission, mais bon, c'est pas facile, hein. C'est, mais bon, voilà, c'est, faut regarder ça quand c'est avec Arthur, les gars. Ok, très bien. On essaiera. Oui, je suis ce gros baraki d'Arthur. Arthur, un petit mot avant de nous quitter. Il faut dormir pour réaliser ses rêves. Bon, ça fait 2 points pour suceuse de schtroumpf. Angelo, t'es en rasera, frérot, hein. T'es à côté de la plaque. Bon, bah, on va quand même faire le dernier pour le kiff, mais bon, a priori, Angelo, les dés sont joués. Angelo, les sont joués. Même si tu connais pas la réponse, tu cries Guillaume, c'est de la merde, juste pour le fun, kiff. Non, arrêtez, sérieux, vous allez mettre dans la merde avec vos conneries. Attention, troisième énigme, mon cher, je rappelle un animateur. Je viens transperce. Où est-ce qu'on le fout, l'indice? Eh ben, l'énigme, il est en Eddie Mitchell. Ah oui, l'énigme en Eddie Mitchell. Ah oui, ah oui, pas de doggy doggy avant de faire la levrette ce soir. Ah oui, ah oui. Ah oui, on aime bien. On salue également toutes celles et ceux qui nous écoutent en train de faire une levrette, éventuellement. On salue tous les chasseurs. Évidemment. On salue tous les chasseurs et tous les alcooliques. On salue Renaud qui nous écoute. Attention! Stop, je suis un animateur radio qui officie actuellement sur Fun Radio Belgique, enfin Fun Radio Guillaume, France aussi. Oui? C'est pas Vince? Ce serait pas ce gros bâtard de Vince? Ah oui! Non. Ce génie. Non, ce serait pas ce putain de gros bâtard de merde. Arrêtez! Vince. Non, sérieux. Mais non, putain, c'est les gars, Guillaume, Vince. Mais c'est la clé pour gagner le cadeau, mec, putain. En plus, vraiment, on l'aime bien. Ouais, tu veux la retrouver à la compta, frérot, si tu continues, je te le dis, moi. Tu peux finir l'énigme, elle est pas mal, en fait. Alors, ah oui! Évidemment, je suis Vin, je suis animateur radio. J'officie actuellement sur Fun Radio Belgique, enfin Fun Radio France, et bientôt à Radio Onem, évidemment. En tournée dans toutes les écoles de Belgique, je suis également connu pour faire de temps en temps des mix en bois. Je serai la semaine prochaine à jouer club, évidemment, Coralie. Tu seras avec... J'arrête. Je fais pas la fin. C'est pas moi qui les écoute. Si, vas-y, continue. Bon, oh, tu connais mes horreurs, je suis de 20h à 23h. Non, bah, c'est bon, ça va. Allez, Mais c'est bon. Et on est assis dans la merde comme ça, Rachel, là, franchement. Mais il vous aime bien aussi. Bah oui, on s'aime bien. Bah voilà. Maître Gavin, il a capté que j'avais pas rigolé, que j'avais rien dit parce que. J'avais même oublié qu'elle était là, quoi. Ah ouais, ça déconne. Vince, si jamais tu es en Belgique, que tu es en train d'écouter la radio, je suis désolée. Non, mais ça va, on plaisante. Il s'est très mal, du second degré. Et c'est le premier à faire Libertad et tout, on l'embrasse. C'est Jonathan qui les a écrits. Mais attends, de balancer. Non, mais sans déconner, c'est pas le patron. Je rigole. Sans déconner, mais c'est ça le pire, c'est que nous on est dans la vanne et on est obligé de le dire qu'on est dans la vanne. Lui il dit pas qu'il est dans la vanne, pourtant on le sait, tu vois, qu'il est dans la vanne. Allez, vous réglez votre linge sale en famille. On le kiffe plus que tout. Bon, bah fais-lui un bisou sur la fesse droite. Ah non, sur les deux fesses et même au fond. Au fond de la fesse. Ah. D'accord, très bien. Ouais, Rachel, je suis d'accord avec toi, Rachel. C'est... Mais on va se poser des questions pour finir avec lui. Hein. Oh, mais tu peux, t'as raison. Mais c'est de droit. Ne te pose pas de questions, t'as la réponse. Mais il me semble, là, oui. Bah voilà, il a voilà les vapeurs celui-ci. Hein, il est bigou comme les malabars. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas compris, il écoute Elton John, c'est Lady Gaga. Voilà, c'est... Et George Michael le dimanche. Bon bah c'est bien. On et salue... au concert de Céline Dion. Et on alors... salue, Michel, son papa qui nous écoute actuellement. Voilà, on l'embrasse. J'espère qu'il était au courant avant, ton père. Bon, écoute, c'est pas le sujet. Rachel, je t'embrasse, ma chérie. Ça prend beaucoup moi cette aussi, émission. Je t'embrasse. À bientôt. Et n'oublie pas mon numéro. Hein. Ah oui, bah, non, mais... non. Quoi, c'est mort. Laisse-moi, Coralie, t'as pas rigolé, moi, Evan. Non, tu te tais, bon. On est de nouveau ensemble. Non, mais. Toi, tu te tais aussi, s'il te plaît. Non, non, et un autre genre avec moi, hein. Mais un autre genre d'où, c'est mon mec, s'il te plaît. Ouais, vas-y, tu parles mieux à Rachel. Voilà. Voilà, un peu de respect, c'est quand même une auditrice, Rachel. Je te dirai au revoir très gentiment, mais Mike m'appartient. Non, mais c'est pas ça. Mais j'appartiens à personne. Avant ça, il fallait, ça y est. Pendant que moi je m'y intéressais, tu t'en foutais, et ça y est, c'est bon, maintenant comme ça. Mais je m'en suis jamais foutu, c'est pour ça que tu lui as jamais parlé. Non, mais j'appartiens à personne à part à Rose Voisine. Mon père, il voulait mon numéro de téléphone. Oui, mais il ne l'a jamais eu. Ouais, mais c'est de ta faute, espèce de petite. Je sais bien quoi. Attention à vous tirer les cheveux dans 3 minutes là. Moi, je pense que Rachel, en fait, elle est juste là pour foutre la merde. Tu vois, elle fout la merde avec la famille, avec elle. Non, moi, je le voulais, Mike, je m'en fous. Ah, mais je te veux aussi, Rachel. Non, elle te voulait. Mais oui, mais toujours, mais Coco, elle veut pas. Faudrait qu'on fasse une simulation de sexe, toi et moi, Rachel. Non. Bah, en privé alors. Non. Éventuellement à la radio, un de ces quatre. La prochaine fois que tu en nous appelles. Ouais, peut-être. Non. À la radio, tu sais que je cache rien aux auditeurs, ma petite Rachel. Oh, tais-toi, toi. Tu mal. Allez. Panama, Panama, on arrive. Bois ma gueule et mon sac à dos. T'aimes bien Rachel, Slimane? Mais oui. Ah, on kiffe, on est d'accord, Rachel. Putain, ça nous fait déjà un point commun, Rachel. Non. Mais oui. Putain, j'ai l'impression qu'on est fait pour être. Qu'on est fait l'un pour l'autre, Rachel, quoi. Je pense aussi, tu sais. Bah ouais, ouais. Putain. À fond. Je ne te fais plus jamais l'amour pendant une semaine. Plus jamais pendant une semaine. Bon, ça me va, Coralie, une semaine. On va voir c'est qui va tenir en premier. Je t'embrasse, Rachel et Angelo. Je vous fais des gros bisous. Je vous repasse Coco Standard. Moi aussi, je vous embrasse. À bientôt. Salut les amis. 1h45 du matin sur Fun Radio. Tout va bien. Quelqu'un qui veut dire Kenji, maître Kevin? Non, en fait, moi j'ai juste dit que ce week-end, je suis parti à Decathlon, j'ai acheté un vélo Kenji. Non, Kalenji, pardon. Ah oui, les vélos Kalenji. Mais attends, ils font des vélos parce que moi personnellement, c'est mes boxeurs et mes chaussettes qui s'appellent Kalenji. Oui, c'est ça. Ouais, ils font aussi. Tout, en fait. Non, mais je crois que c'est deux marques différentes. Non, non, il y a un D sur les chaussettes, c'est ça? Non. Mais non, c'est Kalenji, ouais, c'est Decathlon. Non, non, Kalenji, c'est Decathlon. Ah, ouais, ouais. Ah, d'accord. Aïe. Ah, ok, d'accord. Ils ah, très font bien. Des chaussures aussi. Ah, vous me faites chier, ça va? J'ai pas fait Bac+3 en Decathlon, calmez-vous. Ils sont graves. 1h45 du matin sur Fun. Dans quelques instants, il y a Michel qui veut jouer avec Maître Kevin. T'es là, Mimich? Michel! Allô? Ouais, c'est à toi, Michel, ça va? Ouais, ouais, mais moi c'est pas Michel, c'est Michael. Mais ouais, ça va. Ah, Michael, bah ok, bah Coco qui m'a écrit, qui m'a écrit Michel. Ouais, ouais, bon. C'est ça que je l'ai pas répondu. Frérot, tu veux jouer avec Maître Kevin? Ouais. Bah bouge pas, Maître Kevin, on va jouer avec Cheb Karlouche, c'est ça? C'est ça. Bah le Matt Pokora qui nous vient tout droit du Maroc, c'est juste après Mr. Probs. Et je vous cale un petit son oubliable juste derrière, le fric, c'est sur Fun Radio, on est en direct, 1h36. Okay. Libertad. She reads me right around home. It's so clear she's all that I need, all I need, yeah. I know what it feels like, I know what it feels like, swimming through the stars when I see her, and I don't need air cause I breathe her. I know what it feels like, I know what it feels like, yeah. Breathe her, breathe her. Every time I see her, when I'm lost, I need a sign. I'll be fine, and nothing really matters. Nothing really matters. She completes me, it's how she breathes me right and wrong. It's so clear she's all that I need, all I need, yeah. I know what it feels like, I know what it feels. Swimming through the stars when I see her, and I don't need it cause I breathe her. I know what it feels like, I know what it feels like. time I see her. Génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space. Le soir sur Fun Radio. Bonne soirée, merci d'écouter Fun Radio, 1h51 du matin. On est en live avec toute l'équipe qui est là, Maître Kevin, Jonathan, oui. Coco, oui. Jérôme également. C'est bien. T'es content, oui. J'y fais, oui. Oui, très bien, oui. Très content. Merci beaucoup. Et Zézel aussi oui. Qui est là. Oui, bah c'est bon, tu te calmes. Oh putain, je me suis rattrapé des fois passées. Jamais je te lâcherai, toi. À moi non plus. Ah, je tiens à te le dire. Sache-le. Il y a Zézel aussi. Tu te rattaches à ton fric. Qui est là, combien je te paye. qui répond qui vous rappelle surtout si vous voulez jouer. Exactement. Avec nous au 30-44. Attends, excuse-moi parce que je m'entends en double en fait. Ah, on est sur le mont Everest. Je m'entends. Maître Kevin, ça vient de vous? Ah non, c'est pas possible. Bah si, ça peut pas venir de nous. On a une table. Bah parce que moi en fait, j'utilise un casque. Donc ouais, mais il a peut-être mis son casque plus fort. Vas-y, éteins le son de ton casque pour voir là deux secondes. Bah le son du micro? Ouais, le son du casque. Vas-y, un, deux. C'était lui. Ça vient de vous, Maître Kevin. Ça vient de vous, ça vient de toi, frérot. Bon, Maître Kevin, il y a Mickaël qui est là pour jouer. Salut, Mika. Salut. Ça va bien, Mika? Ça va bien. 23 ans, à Liège. Mickaël, nous allons jouer avec Maître Kevin, avec Cheb Carlouche, qui est là. Bonsoir, Cheb. Salam alaikum. Salam alaikum. Bon, en plein. Ça va la baisse. Bon Ramadan, bah ça va. Alhamdoulilah, et vous? Ramadan mabrouk. Ramadan mabrouk. Très bien, Amine. Bon, frérot. Amine. Qu'est-ce qu'il y a? On va, On va jouer Harry, on va jouer expliquez les règles de votre jeu. Tiens d'ailleurs, j'ai oublié complètement le principe. Ah oui, déjà t'as l'oublié, toi, déjà t'as l'oublié la science. Déjà, t'as des problèmes dans le cerveau, c'est pas bien. Comment il s'appelle le auditeur? Il s'appelle Mickaël. Ah, bonjour, salam alaikum Mika, ça va? Salam alaikum mon frère. Ah, yeah. Donc, je vais t'expliquer, c'est très simple. Je vais chanter trois chansons avec remasterisé un petit peu tunisien. Il va falloir que tu retrouves l'artiste. Voilà, c'est ça. Mais... En fait, Mickaël, si tu veux, tu connais Matt Pokora? Ouais. Ben, Cheb Karlouche, c'est le Matt Pokora, mais marocain. C'est ça, vous êtes marocain, Cheb, hein? Je suis tunisien, je suis pas de Maroc. Ah, excusez-moi, Tunisie. Ouais. Maghreb United, Algérie Maghreb United. Algérie Maghreb United. Oui, mais là, c'est pas du tout l'unité. Là, je suis très loin du Maroc. C'est vraiment de la loin, quoi. C'est sympa aussi, la Tunisie. C'est sympa aussi. Bon, donc il adapte tous les titres occidentaux pour la partie Maghreb. Ok? Et tu dois trouver ou le titre ou l'artiste, allez-y. Cheb Karlouche, son numéro 1. Concentration, Mickaël, cadeau Fun Radio à la clé. Hein Ottawa, hein Schoonen Halle, hein Rubelha, Selha, Selhana, hein Rufata, hein Schoonen Halle, hein Rufala, Khata, Khatala. On dirait une vraie musique en fait. Non mais même la trompette il l'a acheté sur le souk à Marrakech, tu vois, c'est... enfin à Tunis du coup. Mickaël, tu l'as? Ah non, que dalle. On l'a pas sur Fun Radio? Même moi je l'ai. So shy. Tu l'as? Ouais. Alors vas-y. C'est Imani avec Don't Be So Shy. Bonne réponse. Alors, toi tu n'as plus le droit à l'erreur maintenant Mickaël. Oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Maître Kevin Cheb Karlouche? Juste avant les ramadans, j'ai jeté dessus, comment on veut pas savoir. Putain, on va trop loin dans les confessions ce soir. Alors, Mickaël, écoute bien son numéro 2. C'est pour toi et c'est pour Cheb Karlouche et c'est pour toute la Belgique. C'est dur. C'est très très dur. Ah ouais. Mickaël, tu l'as pas? Non. Non? Je l'ai pas. Non, on me dit rien. Comme un garçon, c'est la traduction. C'est les chanteuses du Zizi. C'est la traduction, putain. Bon, la like a boy, Sierra. Pourtant, j'ai voulu te donner le point, frérot. Sierra, like a boy, Mickaël. Bon, alors, on y va. Dernier son, s'il vous plaît. Cheb Karlouche, on y va rapido. Hey, je suis pas sûr. J'adore. Franchement, je suis pas sûr qu'avec toutes ces conneries, nous ait pas au moins dit trois insultes. Oh, mais ça déconne, il vient de nous insulter, mais nous on rigole. Alors, Mickaël, tu l'as au moins celui-ci? Si tu l'as, je te fais. Même pas. Oh frérot. Et moi, Maître Karlouche. Non. Un groupe parisien, rap. Il y a Maître Gims dedans, section d'assaut. Section d'assaut. Eh ouais, What's by Night. Ah, j'ai pas pensé. Ouais. Et ça, toute la night. Les soirées de samedi soir. Vas-y, si tu me sais me faire le refrain, je te file du cadeau. Ouais. Vas-y. Mais la musique, alors. Non, sans musique, Acapulco. Non. Les soirées de samedi soir, quelquefois samedi soir, quelques étés. Non, c'est perdu. Mais comme c'était mieux que Maître Gims, cadeau pour toi quand même qui arrive à la maison, ok? Ouais, ah, super. Bon, je t'embrasse, Mickaël. Ouais, ciao, Kenji. Ciao, mon pote. Non, on n'a pas le temps. Ouais, mais on n'a pas le temps, je sais bien, Jonathan, mais il m'a dit Kenji. Tu veux laquelle de Kenji? Sono. Solo. Bah tu sais quoi, je l'ai choisi comme tu m'as fait cadeau. Mais non, mais c'est le que tu veux, frérot. Et laisse-moi t'enlacer. Ah, ça fait plaisir. Bon, bisous mon pote. Ouais, ciao, Aldi. A bientôt, Michael. Je crois qu'il a dit ciao, Slimane. Mais franchement, je crois que si demain tous les auditeurs nous disent Kenji, je ferme les volets, c'est tout pour moi. Bon, Edan, dans quelques instants, on a commencé à chanter avec Michael. On va continuer avec Amandine. Bonsoir, Amandine. Bonsoir. Ça va, ma chérie? Salut, Amandine. Super bien, et vous? Bah ouais, super, Amandine. Ah, j'aime bien ta voix, Amandine. T'as une voix toute douce, ma chérie. Merci. T'es célibataire, Amandine? Non. Ah, t'as un mec? T'en as pas face. Oh, ta gueule. Oui, un mec. Mais ça t'est jamais arrivé d'aller voir un d'autre à gauche? Non, jamais. Et si l'équation se présentait, tu voyais un mec, un grand, plutôt beau gosse, un peu musclé, tu vois, je me suis mis au sport. Il s'est mis au sport en bouffant 3 parts de pizza par jour quand même. Hein. Non, mais moi, j'ai... Et ça va, il a ramené des pizzas, j'ai bouffé une demi-part, les gars. Calmez-vous, putain. Oui, vous êtes enchaîné une pizza entière et c'est moi que t'accable. Non, mais attends, tu rigoles, je pèse 40 kilos. Et alors, je me bats les couilles. Putain, il m'a fait chier. Bon, Amandine, bouge pas, on va faire le chanteau folle là, c'est bon. Non, je suis irritable, je suis en régime de ouf là, et il me casse les couilles. Bon, bouge pas, Amandine. Y a Alonso, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Voici, on met les voiles dans l'open space. Connard Taras. Au quartier, c'est la merde. Oui, viens, on se fait la malle. Au calme, en bord de mer. Qu'on kiffe la life. Et si tu connais, y'a rien à faire. Prépare tes affaires, on met les voiles. Besoin de faire la fête. À Pattaya. Au quartier, c'est la merde. Oui, viens, on se fait la malle. Au calme, en bord de mer. Qu'on kiffe la life. Et si tu connais, y'a rien à faire. Prépare tes affaires, on met les voiles. Besoin de faire la fête. À Pattaya. Pattaya, on arrive. T'es pas prêt, tu connais pas le délire. À la cité, tout part à la dérive. Tu ressens la zermie sur la tête à Karine. Oh, changement de décor. On se casse à l'aéroport. Vas-y, prends seulement ton passeport. On va, fuck, on va, fuck, on va, fuck. Oh, à peine arrivé, je veux plus rentrer à la maison. Tu parles français, anglais ou thaïlandaise avec l'accent. Tout est contrefaçon. On s'en bat les couilles de toute façon. Loin de tous mes ennemis. Tu peux pas comprendre car tu connais pas nos vies. Au quartier c'est la mer. Oui viens on se fait la malle. Au calme en bord de mer. Qu'on kiffe la life. Et si tu connais y'a rien à faire. Prépare tes affaires on met les voiles. Besoin de faire la fête. À Pattaya. Au quartier c'est la mer. Oui viens on se fait la malle. Au calme en bord de mer. Qu'on kiffe la life. Et si tu connais y'a rien à faire. Prépare tes affaires ou mets les voiles. Besoin de faire la fête. À Pattaya. Waouh waouh waouh on connaît. T'as qu'un élite du boy on t'a cramé. Le dance floor est rempli de belles veines. Si t'es jaloux c'est peut-être que tu me remets. Oh bébé je suis le meilleur. Tu te verras pas mieux ailleurs. Si tu me mets de mauvaise humeur. Je te bloque, je te bloque, je te bloque. Oh. Le paradis des Cairos, 12 heures d'avion. Rien à foutre, j'ai les poches pleines de pâtes. Je dépense, je suis le patron. On se donne un spectacle. T'es ma sport, ma pote bloc. On se défoule au stand de tir. Tu peux pas comprendre car tu connais pas nos vies. Au quartier c'est la merde. Oui viens on se fait la malle. Au calme en bord de mer. Qu'on kiffe la life. Et si tu connais y'a rien à faire. Prépare tes affaires ou mets les voiles. Besoin de faire la fête à Pattaya. Au quartier c'est la mer. Oui viens on se fait la malle. Au calme en bord de mer. Qu'on kiffe la life. Et si tu connais y'a rien à faire. Prépare tes affaires ou mets les voiles. Besoin de faire la fête à Pattaya. Ouais ouais. Pattaya. Pattaya. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Nuit sur Fun Radio. Je viens de me rendre compte de la phrase que j'ai dit en antenne. On parlait de nos animaux. Non, on parlait de nos chattes. Voilà. Et il me fait, ouais, mais ta chatte elle est grosse, tout ça, parce qu'il vient de faire stériliser son chat. Donc je lui ai dit, va acheter des trucs spéciaux, tout ça, des croquettes, il en va grossir. Je lui ai dit, la mienne, elle a pris 40 kilos. Et ouais, ton chat c'est boubou. Je lui ai dit, ça fait longtemps que t'as pas vu ma chatte, je lui dis. Et donc voilà, quiproquo, mort de rire. Escalade de la gaudriole et de la galéjade dans cette émission. C'est l'open space avec vous jusqu'à 2h du matin. Hein? Wakatep baboune. Wakatep baboune, exactement. Maître Kevin? Oui, je suis là. Wakatep baboune. Wakatep baboune. Mais non, frérot, c'est quoi ça? C'est Mimicicu, c'est un dindon dans la ville, c'est ça? Exactement, ouais. Voilà. Oui, c'est ça, ouais. Le mec qui grimpe à main nue et pieds nus sur la Tour Eiffel. Voilà. Salut Thierry Lhermitte. Patrick Timsit. Et Thierry Lhermitte, ouais. Évidemment. Thierry Lhermitte. Qu'on n'oublie pas. Oui, oui. Non, mais moi, j'ai retenu Patrick Timsit parce que c'est le seul film où il est crédible. Ouais. Non, non, il y a eu le dîner de con aussi. Et Thierry Lhermitte, ouais. D'ailleurs, on le salue son frère, hein, Bernard. Bernard Lhermitte. Merci. C'est fan de merde. Bon, bah très bien. Amandine est là, 23 ans. Ça aura jamais décollé cette émission, tu vois. Ah, on est en Égyptaire. On a de l'espoir depuis tout à l'heure. On est en Malaysian Airlines. En Malaysia, là. Elle a disparu en vol, les gars. Amandine. Allô? Oui, t'es là, Amandine. Excuse-nous, c'est le bordel, hein, ma chérie. Bon. Oui, je vois ça. Amandine, nous allons faire ensemble le chantophone, ok? Oui. Alors, t'as sélectionné 5 titres de ton répertoire. On dit, eh oh, tu te calmes, Mike. Je suis pas d'accord, Rachel qui nous dit ça. Je ne sais plus pourquoi. Possible de mettre du Phil Collins, s'il vous plaît. Apparemment, il y a plein de monde qui veut faire son coming out ce soir. c'est Brandon, bonjour à vous. Vous gérez tout. Est-ce que ce serait possible de mettre Cosmonaut ou Phil Collins, justement, In the Rails Tonight? Ah, j'aime bien. Voilà. C'est pas sa meilleure. Ouais, non, c'est pas sa meilleure, on est d'accord. Grand artiste. La meilleure, c'est l'entrée Collins. Du Parc des Princes. Ah oui, ouais, Paris Saint-Germain, c'est ça? Non, c'est où c'est Aoud. Ah, vas-y, fait, chante, dépêche-toi. Ah ouais, c'est la musique de... Ouais. Ok, ouais, je vois. Ouais. La musique d'entrée, ouais. Ouais. Ok, tu dragues l'auditrice, Rach, qui nous dit ça. Mais non, Rach, je t'appartiens, Rachel. Il n'a pas réagi. Je pense que c'est en bonne voie, Rachel. Non, le regard de dingue. Alors, Amandine, attention, 5 titres. On doit en trouver 3 sur 5 pour repartir avec du cadeau, ma chérie. Est-ce que tu es prête, Amandine? Je suis prête. Alors, attention, vous donnez votre prénom. Tout le monde joue, Maître Kevin également. Vous, chez vous, à la maison, balancez la bonne réponse au 3044 si vous trouvez avant nous. Cadeau, Fun Radio pour vous. Attention, Amandine, vas-y, fais vibrer mes petites oreilles. C'était un phénomène. John. Elle n'était pas humaine. Le genre de qui changeait plus grand de... Jonathan. Maître Gims. Et le titre? Bella. Eh bonne réponse. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages. Les gens me disaient, méfie-toi cette villa. Villa. Attention, Amandine, son numéro 2, ça fait un point pour toi. Quoi? Vas-y pour le deuxième son, ma chérie. Ah. Alors, c'est... Jonathan, Trio, l'hymne de nos campagnes. Non, Trio, mais pas l'hymne de nos campagnes. Ah, merde. Liberta. Non, c'est des Trio. Continue. Bah, Trio, Liberta. Bah, Trio, Liberta. Libere de la Libertad. Non. L'hymne de nos campagnes. C'est pas celle-là, c'est deux. Putain, mais c'est quoi? Rechante un peu, s'il te plaît. J'ai des petits problèmes, oui. Non? C'est ça? Mais non, c'est clair, ça. Je recommande. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite de Macadam a besoin d'un délire. Ah, oui. Enfin, réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Ça va, les gars? Bien dormi? Pas vrai. Ouais. Putain, les gars, abusé. Désolé pour hier soir, mec. Désolé pour hier soir. Voilà. Ouais, c'est ça. Désolé pour hier soir d'avoir fini à l'envers. La tête dans le cul, cul dans le brouillard. Cul dans le brouillard. Les gars, désolé pour hier. Ça fait du bien un petit peu de Trio. Amandine, on y va sur numéro 3, ma chérie. 2h07 du matin. On va encore terminer ultra à la bourse ce soir. Ça range pas mes affaires. Ça fait plus d'une semaine qu'il te décrit comme un poème. Il nous parle que de toi. Mike! Il vit sur un nuage. Mike! C'est du Kenji, en plus. Et c'est du Kenji, évidemment, oh, avec Soprano. Le No Me Mires Mas, c'est oh ça? Oh là là. Oui! No Me Mires Mas. Qu'est-ce qu'il y a, maître Kevin? Je connais aucune des musiques qu'elle a chantées. Sérieux? Mais c'est que du bon son pourtant. Bah allez, il y a eu maître Gims, Kenji, tu connais quand même. Bah oui, de nom, mais j'écoute pas en fait, donc je peux non, pas. Mais... Genre, c'est ouais. Les paroles, non. Je les connais pas. Je crois que vraiment, Maître Kevin, c'est celui qui a la meilleure culture musicale et qui écoute les meilleurs sons d'entre nous. Parce que moi, entre Céline Dion et Mike Kenji. Ah, toi aussi, t'es bon, Jonathan. Ouais, je suis bon, mais j'écoute de la merde. Bah t'écoutes tout en fait, t'écoutes la merde y compris quoi. Les couleurs. Voilà. Salut c'est Bidon. Non, Céline Dion, voilà, il y a pas de goût et couleur possible. Ah non, c'est Salut c'est Bidon. Non, mais il peut écouter, il a le droit. Nous aussi on aime bien, mais c'est de la merde, on est d'accord. Salut c'est Bidon, vous cartonnez, possible de passer SCH fusil. Bon, voilà, ça va être un peu tard pour demain peut-être. Allez, Amandine, son numéro 4 s'il te plaît ma chérie. Ça joue pas avec le danger. On y va. Parce qu'en fait, j'ai pas eu de rapport. Je... Décidez-moi. Ah non, c'est bon, je veux dire. Elle est bonne celle-là, vas-y. C'est Aurel San. Et le titre? C'est soirée ratée. Non. C'est pas soirée ratée, hein. Pour le pire. Ah putain, oui, mais. Oui. C'est juste avant sur l'album. Hein. Je cherche une fille un peu facile, un peu naïve. Qui... Alors, on l'a pas en machine. Ah, faut... Un peu facile, un peu naïve. Qui voudrait sortir avec moi. Coralie? Oui. Mais je taperai dans n'importe quoi. Non, j'ai l'intention de te faire teaser. Jusqu'à ce que tu veuilles dormir chez moi. J'irai. Ah, je la connais par cœur, je peux la chanter. Elle est terrible. Qui t'a rendu autant d'en faire tous les deux. Oh oh, je veux que tu sois plus ou moins ma petite copine. En entendant d'avoir trouvé. Alors, on passe à autre chose. Allez, c'est quoi cadeau pour toi, Amandine? On va y aller parce qu'on est hyper à la bourre, ma chérie. Cadeau pour toi, ok? Ça te super, va merci. Ça te va, je te fais pas faire ton dernier. Attends, c'était quel artiste super, t'avais, prévu, t'avais prévu quoi pour la fin? J'avais prévu du Stromae. Bon, ça va, on loupe. On connaît par cœur. Et d'ailleurs, il sera là dans tout à l'heure, Soprano, là, dans les sons qui vont partir. Non, cette il y a nuit. Du Stromae. Non, ouais, il y aura du Stromae, il y aura du Soprano aussi. cette nuit, il y aura du Lara Bell Rose, tiens, j'adore. J'ai le smile. Voilà. Bisous à Amandine. Bisous! À bientôt, à ma demain. Chérie. Bisous, bisous. À demain, ok, très bien. Bisous, tu reviens quand tu veux dans l'émission, Amandine. JT déjanté avant de se quitter. Et Martin Garrix pour le son dancefloor sur Fun. Flashback to the time in your life when you thought it would be easy. But it's hard when you take on the world alone. A one shot that you fire at the sky, hoping someone else can see it. Just a sign that you're not out there on your own. We come one tonight. I've been waiting for your wake up call. Growing stronger now. I can hear it in the thunderstorm. Space. 02 851 4x0. Mais soyez bon. Elle est 2h12 du matin sur Fun Radio. Avant d'y aller, on va se faire les titres de l'actualité demain. Le JT déjanté, c'est parti. Transformation à journaliste, fils caché de Carlo Morello, notre ami Mike Morello. Hello Gonathan, hello Zezel, hello Coco, hello à tous. Maître Kevin aussi, hello. Ah pardon Coralie, je t'allume ton micro. Erreur biblique. Oui, le septième jour, Dieu ne s'est pas reposé. Il a créé Maggie de bloc et ensuite il a compris qu'il devait se reposer. Enchaîne, enchaîne. Vas-y, refais parce qu'il y a eu un décalage. Ok. Bébé. Eh ben, t'as l'air d'une conne, y a pas de photo. Pas besoin de lever la patte pour faire pipi. Oui, c'est la grande différence entre Mireille Dumas et un caniche. Révélation choc. Le secret de Rocco Siffredi est enfin révélé. Il avait Pinocchio dans le caleçon. Ça devait arriver. Et oui, l'homme qui avait l'estomac dans les talons s'est marché sur les couilles. Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Mike Open Space, avec Jonathan, jusqu'à 2h sur Fun Radio. Allez, on va y aller, 2h14 attends, du matin. Attends, t'as pas envie de repasser le jingle, s'il te plaît. Juste repasse. Ah, parce que je les refresh. Ah, vas-y. Bon, ça allez, fait pour te faire plaisir, mon Jonathan. Ah. Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Mike Open Space, avec Jonathan, jusqu'à 2h sur Fun Radio. Ah ! Voilà, et je rappelle que le vrai prénom de Zezel, c'est Jonathan. Ah, voilà. Allez, plein de bisous, les amis. On va se retrouver demain dès 23h sur Fun Radio, juste après Vince, pour continuer à faire vivre ensemble la liberté d'expression. Il est de retour en Belgique, Vince, demain ? Oui. Très bien, bisous ma coco d'amour. Bisous. On se voit, on passe la nuit ensemble. Ça doit se négocier une encore. Une nuit torride qui nous attend avec... Non, j'ai dit pendant une semaine, c'était fini. Elle a ses règles. Oh bah très bien, je m'en fous, j'y touche pas à mon poste, j'en ai deux en retard à regarder. Donc tu vois, je vais m'amuser ce soir. Ah, je vais plus avoir d'orgasme avec Hanouna, ça c'est sûr. Bah, amuse-toi hein. Tout seul. Ah putain, on rappellera. Ouais. Kevin, maître Kevin. Oui. On a dit qu'on allait venir voir Hanouna là, on va voir qui c'est qui va être mis en sang. Et on va organiser un petit combat, ok? Bah écoutez. Il me fait ça, frérot. On vient, non, on vient vraiment avec des gants de boxe et tout. Et on va filmer tout ça. Non, mais il va pas le prendre. Bah arrête, Mike, je te connais. Tu fais le bonhomme, tu vas te retrouver devant Hanouna. Tu vois, tu seras chaud, genre 2 minutes avant. Eh, franchement, je veux lui dire, je vais. Bonjour Cyril. Je suis Mike. Attends, mais je surkiffe le gars. Non, mais on l'adore. Mais là, mais on l'adore dans l'émission. Non, mais vraiment, on va faire ça. Maître Kevin, ok, il m'organise ça. Bah, je vais essayer d'organiser un petit combat de boxe. Ah, il touche un petit mot. Et je vais voir s'il y a joué Star aussi pas très loin, on sait jamais quoi. C'est pour moi les margaritas. Bisous mon maître Kevin, à demain. Bisous, à demain. Faut pas que je rajoute mon devant maître Kevin parce que ça fait chelou. Déjà qu'on a eu, voilà. c'est bizarre. Allez, à demain Kevin et Zezel, à demain mon pote. À demain. Bonne soirée avec ta meuf ou pas? Non, pas avec ma meuf. Célibataire. Avec une autre. Ah, non, je déconne. Bravo frérot. Non, c'est demain l'autre. Ouais, oui, putain. Ouais, on embrasse. Comment c'est Virginie? Non, Stéphanie. Voilà, très bien, on l'embrasse. Jérôme, salut mon pote aussi de la team standard, Jérôme qui est à côté, qui est encore en train de passer des coups de fil. Y'a plus d'auditeurs, frérot, arrête de passer des coups de fil, Jérôme. Parce qu'à 4h du mat, le gars va passer des coups de fil. Non, mais le mec, il va se faire l'émission tout seul jusqu'à 5h chez lui, tranquille. Bisous, mon Jonathan. À demain, Mike. À demain, 23h, les amis. Merci d'être chaque soir de plus en plus nombreux, nombreuses à écouter cette émission. On compte vraiment sur vous pour dire à vos potes, pour dire à votre famille de se brancher sur Fun le soir à partir de 23h. Y'a comme ça que ça fonctionnera, les amis. Plein de bisous demain matin, Evan et la tribu. Pour vous réveiller entre 6h et 9h, Evan qui est de retour en Belgique aussi, puisque vous savez qu'il était bloqué en France avec ses galères de grève. Donc demain, normalement, Evan en direct de. Ah, pas sûr, Coralie ? Non, il sera là. De toute façon, il sera là demain entre 6 et 9, le poteau Evan, avec des hoverboards à vous offrir. Ah, elle sera demain 6h, 9h, Evan et la tribu. Ah, j'en veux un, moi aussi. Ah ouais, frérot, ah oui, bisous, Libertad. Mike Open Space revient demain dès 23h pour retourner le pays sur Fun Radio. Mike Open Space le soir sur Fun Radio. Bonne nuit, la Belgique. Puis la nuit sans pub sur Fun avec Maître Gims, Magic System, Lara Bell Rose, Kinvey, Sopra, Stromae, Ocean Drive, Black M. Bisous. Il se peut que tes propres gosses écoutent ma zik et que le 458 soit dans le parking. Monsieur Juna, les papiers du véhicule. Monsieur l'agent, je ne possède que des tubes. Il se peut que vous m'ayez flashé dans la ville. Vous qui vouliez une photo pour votre fille. Donc vas-y, cause toujours en son tableau, Vas-y, cause toujours en son tableau, Vas-y, cause toujours en son tableau, ça. Donc je me passerai trop le son. J'ai toute ma raison. Laissez parler le son. Gardez vos questions. Je me passerai trop le son. J'ai toute ma raison. Laissez parler le son. Gardez vos questions. Laissez passer. Je vais m'en occuper. Laissez passer. Je vais te faire oublier. Laisse-moi m'en occuper. Oui, laisse-moi te faire oublier. Tout le mal qu'on t'a fait. Je serai ton bouclier. Fun Radio. Magic System avec le Bionix. Oui. Voilà. Nous on est venus pour danser. On va faire le show. Je suis là.